Lorsque le temps vous est mesuré et qu'il vous faut parler brièvement d'Henri de Monterlan et d'une de ses pièces, vous êtes ensuite pris par une sensation d'insatisfaction. J'en ai déjà fait l'expérience. Il restait à dire tant de choses que vous avez dû sacrifier que vous ne savez plus si vous n'avez pas négligé l'essentiel. Je n'aurai donc pas la prétention ici d'analyser en profondeur Malatesta ni de vous dessiner le portrait de Monterlan, auteur dramatique. Je me contenterai de vous donner quelques maigres impressions, de tracer quelques petites esquisses. Henri de Monterlan est certainement un des dramaturges majeurs de notre temps, non pas qu'il ait contribué à donner au théâtre son orientation nouvelle, mais parce qu'il appartient à la lignée réduite des mainteneurs du grand souffle tragique. Nous ne trouvons pas chez Monterlan de ces formules nouvelles à la mode aujourd'hui. La structure de ses pièces est traditionnelle. Mais quelle sûreté technique, quelle maîtrise de son art et aussi quel dialogue vigoureux et précis. Son style est à la fois un style de théâtre, c'est-à-dire nerveux et vivant, et un style très écrit. Daniel Rops, dans La Bataille en 1948, écrivait « Au milieu d'une production théâtrale dont le plus évident caractère d'ensemble est la platitude, un manque de style affligeant, il y a quelque chose de réconfortant à trouver ici, ce ton royal, cette aisance insolente et cette merveilleuse utilisation des possibilités infinies de la langue. Le théâtre de Monterlan est avant tout un théâtre psychologique, animé par la sensibilité et le sentiment du tragique de la vie. Monterlan, d'ailleurs, se refuse à bâtir les caractères logiques de la psychologie classique. Il ne cherche pas à expliquer. Il se borne à constater l'inconséquence de ce monde, le chaos qui règne dans les rapports humains. Et Malatesta s'écrit « Comme les relations avec les êtres sont difficiles ». Pour vous donner quelques ouvertures sur Malatesta, la pièce elle-même, le mieux n'est-il pas de s'adresser à l'auteur? Voici ce qu'il en a écrit. Malatesta n'est pas une pièce à message, ni à visée politique ou sociale. C'est d'abord la reconstitution très fidèle d'un caractère et d'une ambiance propre à l'époque de la Renaissance en Italie. Les Italiens eux-mêmes ont reconnu cette fidélité puisqu'ils ont choisi la pièce d'Henri de Monterlan pour commémorer le 500e anniversaire de la mort du héros Sigismondo Pandolfo Malatesta, autrement dit « Mauvaise tête », le plus connu des membres d'une célèbre famille de condottieri originaire de Rimini. La pièce a été jouée alors dans 21 villes italiennes. Avant d'entrer au répertoire de la Comédie-Française, la pièce fut créée en 1950 au Théâtre Marigny par la troupe Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault. Elle a été représentée ensuite au Grenier de Toulouse et en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en Pologne, en Amérique du Sud, et, comme je viens de vous le dire, en Italie. Mais écoutez ce qu'écrit encore Monterlan. Quand la pièce fut créée, je crus pouvoir la résumer en ces mots. Une tragédie de l'aveuglement. Tout le monde s'y trompe, tout le monde y vit à tâtons et les plus fins. Il ajoute plus loin, mais il y a un autre sujet dans Malatesta, d'un caractère, si je puis dire, plus local. L'amour de la gloire et la référence constante aux héros de l'Antiquité romaine, vivants et agissants, pour le renaissant italien, autant que l'étaient les saints pour le croyant aux époques de chrétienté. Monterlan écrit encore, Malatesta meurt quand il prend conscience que l'idée qu'il se faisait de soi ne sera pas partagée par la postérité. Car toute sa vie, plus faible qu'il ne le laissait paraître, il a vécu soutenu par une mythologie et une imposture exaltante qu'il s'est fabriquée à son bénéfice. Ça a été, sinon l'imagination au pouvoir, du moins un imaginatif au pouvoir. Le tableau vivant et coloré suggéré par l'auteur nous est restitué fidèlement sur le plateau de la Comédie-Française grâce à la somptuosité élégante des décors et des costumes de Jean-Marie Simon et à la précision, à l'aisance et au brio de la mise en scène. Quant à l'interprétation, on peut dire d'elle qu'elle est également somptueuse. Vous allez pouvoir juger de son humanité, de sa sincérité, de la qualité de l'expression verbale, mais je tiens à souligner la qualité de l'expression physique, aussi bien dans la grâce en mièvrerie que dans la puissance. Et ceci sans la moindre fausse note. L'action débute dans une grande salle du château fort de Malatesta, à Rimini. Sigismond Pandolfo Malatesta, est en train de prendre sa leçon d'escrime avec le maître d'armes Sacramore. C'est avec cette botte-là que j'ai tué Malipierre. Et avec celle-là, j'aurais fait sauter les verrues de messire Frédéric d'Urbain s'il avait accepté le combat singulier que je lui proposais. Mais il se déroba le pleutre. Adieu ! C'est pas à moi que vous les ferez sauter les verrues, monseigneur. Et c'est moi qui vous dis, celle-là. Parez-la ! Oh, si j'avais pas retenu ma main, hein? Yeah, halt! Voilà une fourberie digne d'entrer dans les livres, hein? J'ai horreur des gens qui ont confiance. Tandis qu'entre Basigno et Porcellino, Malatesta saisit Sacramore par le cou et commence à l'étrangler. Et comme ça, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu vois déjà Dieu le Père avec tous ses anges? Je ne sais ce qui me retient, vraiment, je ne sais ce qui me retient. Monseigneur, je crois que vous le tenez un peu court et qu'il souffre cruellement. C'est un tonnelier qui t'a appris l'escrime. Incapable. Quelle tentation de te tuer. Monseigneur, je vous jure que si vous continuez, il va périr tout de bon. Quoi, mort? Imbécile, il n'a jamais compris la plaisanterie. Il respire. Serviteur, enlevez cette saleté. En vous contemplant dans cette merveilleuse gymnastique, je me disais, monseigneur, qu'à 49 ans... 51. Vous aviez la même vigueur et la même souplesse que lorsqu'à 12 ans... 12 ans. Devant Rimini, vous rassembliez de votre propre chef des hommes d'armes. Vous passiez la folia à la faveur de la nuit et vous tombiez sur le camp ennemi que vous dispersiez. Alors ma gloire était jeune. Elle chantait et se lustrait les ailes dans le premier soleil du matin. Et pourtant, il me semble que dès alors, moi, de qui la destinée était d'être un homme de guerre. Je pensais, comme aujourd'hui, que tous les exploits guerriers ne valent pas un beau sonnet, ou une belle harangue, ou une belle maxime morale. Sur la prédominance de l'esprit, j'ai dit tout ce qu'il y a à dire. Au livre 3 de mon De Excellentia Hominis, le sujet est désormais épuisé. Ah, votre seigneurie ne se souvient pas. On dirait vraiment que votre seigneurie n'a rien lu de ce que j'ai écrit. Mais si, je me souviens, Porcellino. C'est une page inoubliable. Il y en a plusieurs pages. Qui est là? Ah! Attendez-moi, je reviens. Quel sauvage! Et remarquez qu'il avait une sorte d'amitié pour ce sacra Moreau. Cela donne une idée de ce qui nous attend. Le jour où l'humeur lui viendra de plaisanter avec nous. Mon cher, nous sommes des littérateurs à gages. Ne perdons jamais cela de vue. Nous avons le vivre et le couvert, l'usage d'une bonne bibliothèque, la protection d'un homme puissant et, à l'occasion, tout l'honneur. En échange, que nous demande-t-on? De louer le prince en toutes circonstances et d'écrire des poèmes qui sont censés être l'œuvre de notre maîtresse, Madame Isotta, laquelle s'est à peine signé son nom. Et de composer, ceci est mon lot, la biographie monumentale du nouvel Alexandre. Vita magnifici et clarissimi sigismundi de malatestis. Œuvre qui m'est sensiblement facilitée du fait que le héros lui-même m'en dicte la plus grande part. Autant où nous sommes, et peut-être en tout temps, rien n'étant vérifié, tout se faisant à la légère et sans conscience, pourquoi diable n'être pas imposteur? Faits inventés de toutes pièces, faux témoignages, dates modifiées, citation imaginaire et en avant. Je vous assure du succès et d'une totale impunité. Oui, des choses aussi, nous risquons de nous faire trucider par le héros dans un de ces instants de gaieté. Ah, par contre, il nous protège des autres héros. Vous le savez, vous qui devez au seigneur de Rimini d'avoir été soustrait aux entreprises de quelques excités fort méchants. Quand vos compatriotes lui ont demandé votre extradition, il leur a fait cadeau à votre place d'un hippopotame. Oh, c'était gentil de sa part. Enfin, mon cher, si vous êtes en vie, c'est grâce à Sigismond. Ses bienfaits ne s'adressent pas à moi, mais à mon talent, qu'il veut avoir pour lui seul. Il ne compte donc pas. Je lui en ai pourtant une reconnaissance raisonnable. Pas une reconnaissance éperdue, non, une reconnaissance raisonnable. Vous lui avez porté jadis un attachement sincère. Ben, ne le niez pas, vous parliez de lui avec chaleur et preniez sa défense contre tous. Car on ne saurait parler de Sigismond sans avoir à prendre sa défense. Mais cela s'est aigri. Et il faudrait vous expliquer bien des choses. Plusieurs fois, j'ai vu ses mains trembler tandis qu'il touchait des objets très beaux. À cause de cela, il m'arrive d'avoir pour lui une bouffée de sympathie. Sacra Moreau, lui aussi, a éprouvé que le malatesta a des mains nerveuses. Ah, Sigismond n'est pas seulement, personne ne le conteste, un maître pour la guerre, il est un homme d'un esprit remarquable et d'une culture réelle. Je ne fais pas grand cas de la culture de quelqu'un qui ne respecte pas la culture chez les autres. Mais que voulez-vous dire? Sigismond n'a ni le respect de mon œuvre. Il me fait appeler quand je suis en pleine inspiration, me convoque à la 16e heure, sans se soucier si une telle heure coupe et désordonne toute mon après-midi de travail, bien plus. Mais non, mon cher, ce sont des choses qu'on a trop de honte. Quoi donc? Il lui est arrivé de me donner à faire de la copie de manuscrit. De la copie? Non, il n'aime pas ma culture, il aime mes services. Et puis il n'est pas généreux. Vous non plus, mon cher, la générosité n'est pas votre fort. Quand on a donné aux hommes ce que je leur ai donné par mon œuvre, on est quitte avec eux. Vous avez commencé à écrire votre chapitre des révolutions? Commencé et fini. Ah. Et même, je vais vous le lire. Oh, mon cher, demain, voulez-vous, à présent, notre œuvre nous réclame, nous allons penser. Hein? Le chapitre est très court. Des révolutions. Les révolutions font perdre beaucoup de temps. Oui. Et ensuite? C'est tout. C'est tout le chapitre. Non mais dites, les époques troublées font perdre beaucoup de temps. La moitié de la vie se passe à sauver sa tête. Autant d'indisponibles pour les choses importantes. Mais alors, Trinquenenti, que nous veux-tu? Je venais avertir monseigneur que le capitaine Sacra Moreau se porte bien et regagne son logis. Il fait savoir qu'il sera là pour l'assaut d'armes demain à 9h précise. Précise? L'étranglé qui en redemande. Oh. Être libre, libre, libre. Il n'y a que les esclaves pour faire un tel cas de la liberté. Un de nos auteurs a dit ce mot admirable. Vous savez de qui c'est? De vous. Bien entendu. C'est une des choses les plus profondes que j'ai écrites. Mais après tout, mon cher, si nous sommes les employés de Sigismond, Sigismond, lui, est l'employé des princes, qu'il utilise comme condottiere. Il reçoit une solde, chipote sur les contrats, demande des augmentations et des avances. est entouré par ses patrons d'officiers de conduite, de provéditeurs, d'ambassadeurs destinés à l'espionner. Il doit à tout bout de champ venir aux ordres, rendre des comptes et donner des explications. Si elles ne satisfont pas, il risque de se faire couper le col. En ce moment, la campagne de Moret étant finie, il n'a pas d'engagement. Et fait tenter Ferdinand de Naples comme un jongleur parasite qui veut être invité dans un château. Sans parler de la caisse qui n'est pas très remplie. Je savais tout cela, mais en me le rappelant, vous m'avez fait du bien. Le pourquoi de son geste sur Sacramento. Il a senti qu'il faisait encore peur. Il est content. Oh, d'un certain point de vue, Sigismond est un pauvre homme. N'importe, il vaudrait mieux pour nous n'être régis que par Madame Isotta seule. Comme nous étions bien quand Sigismond était en Morée. Madame Isotta a autant d'esprit que de vertu et, en outre, la tête froide. Avec elle, pas à craindre les lubies ni les poussées de sang de son animal de mari. Mais Madame Isotta a mis 10 ans à se faire épouser. Cela dresse une dame. Là, il lui a fallu de la modestie. Il lui en est resté, malgré les élucubrations idolâtriques dont Sigismond et nous, sur son ordre, nous l'avons entouré. Si notre Sigismond mourait, savez-vous ce qui se passerait? Son fils aîné est en Morée. Roberto ne peut rien, les autres sont trop jeunes. Soit le pape, soit Venise, mettrait sans grande peine la main sur Rimini. Et quelque chose me dit qu'il laisserait Madame Isotta comme régente. Ah, elle est aimée ici. Ce serait le meilleur moyen de tenir la ville en paix. Oh, Sigismond sera peut-être assassiné dans une heure. Que des hommes de son espèce restent en vie, c'est un continuel miracle. Dites aussi une continuelle provocation. Il ne mourra pas comme cela. Son égoïsme lui donne une solidité de roc. Sa terrible assurance désarme le mauvais destin. Même quand ses affaires vont mal, tout est fait en lui. Vous l'avez entendu hier soir? Si les gens savaient tout ce que j'ai fait, pourquoi je n'ai pas été puni et aurais dû l'être, ils verraient alors que c'est l'évidence même que je suis protégé des dieux. Si les gens savaient tout ce que j'ai fait, et qu'ils mériteraient que les gens l'apprissent ce qu'il a fait d'horrible et qu'ils ignorent encore et qu'il en fût puni épouvantablement. Bon, une souris. Chez moi, je suis infesté, j'en ai tué une encore tout à l'heure. Quand on est un intellectuel, on tue ce qu'on peut. Quand on est un homme qui n'a jamais eu de sang sur soi que le sang de ses puces... Monseigneur, Sacramento fait dire qu'il est en vie et qu'il viendra demain matin à 9h précises pour être étranglé de nouveau. Bien. J'ai fait prier ici mon aimable gendre qui n'a pas eu le temps de causer avec moi hier soir, ayant pris part à notre danse dès son débeauté de Rome. Nous allons donc avoir des nouvelles fraîches de Rome. Messieurs, je vous dis à dîner. Il y a assez longtemps que je n'avais lu Thucydide. J'y jetais tantôt un coup d'œil et j'ai trouvé le chapitre 4 d'une telle splendeur que je voudrais que vous m'en entreteniez ce soir, avec votre science et votre goût habituel. Je ne me lasserai jamais d'apprendre quelque chose de vous. Alors, mon petit Bélièvre, je suis content de te voir. Je te regardais danser hier, à peine lavé de la poussière et de la fatigue du voyage. Tu étais encore frais et charmant, comme autrefois. Tu avais l'air de Bacchus indien. Parle-moi de Rome, ensuite tu me parleras de ma fille. Tu me diras si elle est toujours une belle fille et si elle te donne toujours du plaisir. Oui, parlons d'abord de Rome. Monseigneur Père, je vous annonce une bonne nouvelle. Bonne pour qui? Pour toi? Pour vous. Oh, bravo, est-ce que tu m'apportes de l'argent? Ah, hélas, non. Alors, tout ce que tu vas me dire n'a aucune importance. Le Saint-Père m'a mandé et m'a chargé d'abord de vous faire de grandissimes caresses. Il m'a dit ensuite, nous avons eu une bonne pensée pour notre cher fils, Sigismond. Nous allons vous la découvrir comme à quelqu'un qui nous avons une entière confiance. Au fait, je t'en prie, tu me mets dans une inquiétude extrême. Voici. Le Saint-Père m'a prié de vous transmettre une proposition. Très avantageuse. Avantageuse pour vous. Au fait, le Saint-Père vous offre Spolette et Foligno. Pas moins que cela. Contre quoi? Contre rien. Spolette et Foligno, ces perles. Est-ce qu'on se mettrait à reconnaître mes services? Cela n'est pas croyable. Je voudrais aussi vous exposer un désir du pape. Ah, il y a un désir. Je n'aime pas les désirs des gens. Le Saint-Père demeure anxieux de la présence ici des troupes vénitiennes appelées par Madame Isota pour garder Rimini pendant que vous étiez en Morée. Il redoute que Venise, qui est déjà à Ravenne, n'intervienne dans les affaires de Rimini. Je ne comprends pas. Cette affaire est réglée. Sur la demande que m'en a faite le pape, j'ai pressé Venise de rappeler ses troupes. Venise me l'a promis. Ce rappel va être exécuté incessamment. Et le pape sait tout cela. Venise, toujours ardente à prendre pied chez les autres, ne cherchera-t-elle pas à s'incruster? Où veux-tu en venir? Sa sainteté voudrait vous envoyer des troupes pontificales. Mais le diable m'emporte, je n'ai pas besoin des troupes du pape. Le pape est convaincu que vous en avez un grand besoin. Venière, que signifie cela? Est-ce que le pape prétendrait m'imposer ses troupes par Rimini? Je ne vous fais part que d'une offre. Et Spolette et Foligno sont des cités capitales. Oui, Spolette et... Mais... Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Le pape estime qu'il est fatal qu'un jour, vous deviez céder Rimini à Venise si vous êtes seul à la défendre. Et alors? Et alors? Alors, Spolette et Foligno... Prendre Spolette et Foligno et abandonner Rimini au pape. C'est cela, n'est-ce pas? Mais dis-le donc, misérable! C'est cette monstruosité que veut le pape? Rimini de mes entrailles? Rimini de ma vie éternelle? Abandonner Rimini quand je voudrais lui poser sur la tête une couronne. Rimini qui me serre le cœur quand j'y pense. Et voilà la proposition que tu oses me faire. Avec cette même bouche dont tu caresses ma fille, combien as-tu touché pour me la faire? Europe, plutôt ciel que ma fille fût morte au lieu de t'épouser. Le meilleur des gendres est le tombeau. Tout le monde est ligué contre vous. Ça ne vous suffit pas. Il faut que vous risquiez de vous faire un ennemi de plus en moi, qui ne vous veut que du bien. C'est un vice chez vous, que de chercher à vous rendre odieux, monseigneur père. Quitte Rimini sur l'œuvre! Si tu y demeurais, les pierres se soulèveraient d'elles-mêmes pour te lapider. Grand Dieu. Pourquoi ai-je fait tout ce que j'ai fait? Si j'ai fait tout ce que j'ai fait depuis 51 ans que je suis sur la terre, et si on me traite ainsi à la fin de tout ce que j'ai fait, j'ai vécu et j'ai fait pour rien. Va chercher Ser Porcellio. Porcellio, votre heure est venue. Je veux dire, la grandeur de votre vie est venue. Une humiliation vient de m'être infligée. Qui surpasse tout ce qui m'a été infligé depuis que j'existe. Porcellio, il y a à Rome un homme qui doit disparaître. S'il survit, c'est moi qui mourrai de sa vie. Vous allez vous rendre à Rome, vous y installer sous quelque prétexte que nous allons rechercher ensemble et user contre l'homme en question de cet art dont vous avez si bien écrit. Quel art? J'ai bien écrit de beaucoup de choses. L'art de donner aux gens de mauvaises digestions. Moi, monseigneur, je tuerais volontiers, ne serait-ce que pour faire comme tout le monde. Seulement, voilà, je redoute les conséquences. L'entreprise est d'une grandeur sublime. L'homme à tuer, c'est le pape. Le pape ? Je voudrais le mordre ! Je voudrais avoir du poison dans ma bouche, je le mordre ! Je voudrais le voir agoniser pendant que je le tiens dans ma bouche ! Va à Rome, et vois Platina en secret. Ensuite, Scarampa ouvertement. Tu les connais bien tous les deux. Platina, qui est en demi-disgrâce, te renseignera sur les habitudes du pape, s'il peut le faire sans trop se compromettre. Scarampa, qui est bien en cours, se fera un plaisir d'introduire auprès du pape un érudit. Surtout un érudit qui approche de Malatesta, qui connaît ses pensées et qui ne les approuve pas toutes. C'est compliqué. Tout est compliqué, Porcellio, et tout est simple. Prends ce Plutarque, dans la reliure du volume. Tu vois cette poudre grise ? Une pincée en tue son homme dans le quart d'heure. Prends mon Plutarque, tu auras un bon compagnon de voyage. Et Dieu te garde. Seigneur Malatesta, vous m'offrez là une tâche pour laquelle la nature ne m'a pas fait. Vous avez écrit des poisons et de l'art de s'en servir. Je suis fait pour décrire les choses, non pour les exécuter. Comme l'illustre Démosthène, dont Plutarque dit qu'il était plus propre à louer les vertus des ancêtres qu'à les imiter. Un meurtre, ce domaine n'est pas celui de l'esprit. L'esprit n'est pas fait pour entraver, mais pour libérer. Il est folle de s'en tenir à une demi-vengeance quand on peut tuer sans risque. Mais ici, ce ne serait plus un risque, ce serait un suicide. Eh bien, vous mourrez pour moi. Des milliers de mes soldats sont morts pour moi, et d'avance l'avaient accepté, mais vous, vous ne voulez pas mourir. Voyez-vous ça? Si je meurs, la biographie du divin Malatesta restera inachevée. Je la ferai achever par Basilio. Par Basilio, monseigneur, dites-vous ça sérieusement? Ce serait mourir deux fois. J'ajoute qu'il y a mon beau-frère que j'attends à Rimini. Et comme vous savez, pour cette affaire d'héritage... Un beau-frère! Un héritage! À l'heure où l'on vous fait cadeau d'un acte tel que l'Antiquité elle-même n'en eut pas de cette taille, mais vous êtes donc sans ambition aucune. Oh. Et moi, je ne pourrais pas serrer la main de quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Et par mégarde, j'ai tant de fois serré la vôtre. Moi, aussi, je veux quelqu'un qui marche quand je marche, qui s'arrête quand je m'arrête, qui ne s'éloigne pas de trois pas, et qui encore ne laisse jamais paraître qu'à cet état, il trouve quelque chose à redire. Voilà les hommes dont j'ai besoin, dont des hommes à beau-frère et à héritage. Pardonnez-moi si je vous brusque un peu, il faut avouer que je suis hors de moi. Il me vient une idée. Le jeune neveu du pape, Riario, que le pape chérit si tendrement, est en train de mourir à Rome d'un mal mystérieux. J'écrirai dans votre biographie que c'est vous qui l'avez fait empoisonner. Pour vous venger du pape. Ainsi vous aurez l'honneur de cette mort, sans en avoir le risque. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui fut, c'est ce qu'on croit qui fut. Un moment vient où tout est vérité. En d'autres temps, je goûterai la finesse de votre invention. En celui-ci, j'ai besoin de solide. Vous êtes bien comme les autres, vous m'offrez toujours ce qui ne me fait pas plaisir. Mais pour ce qui me ferait plaisir, et tout cela par lâcheté. Ce qui domine en vous, j'en ai bien fait l'épreuve, c'est une ignoble lâcheté. Oh, monseigneur, vous avez mis le doigt sur mon péché mignon. Mais ne disons pas de mal de la lâcheté. La lâcheté paye, puisque nous sommes en vie. Nous sommes en vie. Surtout à cause de la lâcheté des autres. Que voulez-vous que je fasse de vous? Je vous appelais mon ami. Mais à quoi sert d'avoir des amis s'ils se récusent chaque fois qu'il s'agit de vous aider dans vos méfaits? Qu'est-ce qu'un homme qui n'est pas un complice? Un poids mort, une larve, un néant. Et en pareille entreprise, ma maladresse vous causerait les pires ennuis. Un de mes confrères a dit de moi que je n'avais de la décision que lorsqu'il s'agissait de fuir. C'est très exagéré. Il reste que la présence d'esprit n'est pas mon fort. Vous savez qu'elle va rarement de pair avec la haute intelligence, dont les meilleurs auteurs professent qu'elle est de sa nature irrésolue. Et puis enfin, monseigneur, tuer un pape, Même des sicaires de profession ne s'y sont jamais attaqués. Oh, je vous en prie, Porcellio, pas de vertu. Il ne s'agit pas de vertu, il s'agit de l'enfer. L'homme qui agit avec moi comme agit le pape prouve qu'il est le plus pervers des hommes. Celui qui le tue ne fait que prévenir la justice divine. Il est en quelque sorte l'instrument du ciel. D'ailleurs, croyez-vous en Dieu ? En tant qu'homme raisonnable, je ne crois pas en Dieu. En tant que chrétien baptisé, je suis bien obligé d'y croire. En tant que citoyen, je crois à ce que croit la majorité. Mais en somme, vous êtes bon chrétien, mais vous n'avez pas la foi. C'est cela. Ah, Ser Porcellio, que vous me décevez. Moi, je suis bon chrétien et j'ai la foi. Et vous aussi, cher Seigneur, vous aussi, vous me décevez. Laissez à un tiers le soin de vous venger. C'est comme de mettre sa jeune femme dans les bras d'un autre le soir de ses noces. Cette gloire doit rester vôtre. Vous n'avez pas le droit d'en disposer. Et puis, personne n'a poignardé un pape. Nogaro n'a fait que souffleter Boniface VIII. Et pour cela, seule, sa mémoire survit. Le risque est immense. Vous le voyez bien lorsqu'il s'agissait de vous, non plus lorsqu'il s'agit de moi. Parce que vous, vous vous en tirerez toujours. Rappelez-vous ce que me disait l'ambassadeur de Venise l'année dernière. Ce garçon-là retombera toujours sur ses pieds. Bon, ce garçon, quel irrespect ! Est-ce que j'ai 16 ans ? Vous êtes un magnifique démon. Et les démons ont toujours 16 ans. Oh, Porcellio, quelle tentation tu m'offres ! C'est toi le démon ! Cette tentation, cher Seigneur, elle était déjà en vous-même. Mon seul rôle a été de vous la révéler. Non, Porcellio. Non, mon ami, je serai franc avec toi, cette idée ne m'était pas venue. Oui. Si incroyable qu'il paraisse, quand je ne permets guère au monde de m'oublier, il y a des moments où Malatesta oublie Malatesta. Mais toi, tu as été plus Malatesta que moi-même. Oui, toi seul, tu me comprends. Basilio est un excellent lettré, mais il ne sent pas ma grandeur. Je respecte Anastagi en tant que latiniste, mais il met autour de lui une atmosphère d'honnêteté qui est irrespirable. Oui, c'est moi que le pape verra dans l'instant qu'il rendra son âme affreuse. Comment avais-je pu imaginer quelque chose d'autre ? C'est moi qui m'acquerrai cette gloire immortelle. Tout ce que j'ai fait jusqu'à ce jour est effacé. Vénière m'a parlé. Je partirai demain pour Rome avant l'aube. Je sais déjà qui j'emmènerai avec moi. Pourquoi faire ? Pour faire tuer le pape ? Pour le poignarder de ma main. J'aimais cet homme. C'est pour cela que maintenant je le hais. Et si vous n'êtes pas prêt à tuer ce que vous prétendez haïr, ne dites pas que vous haïssez, vous prostituez ce mot. Que de mal vous auront fait vos haines, plus qu'à vos ennemis. Ne parlons pas haine, parlons politique. Le pape mort, savez-vous qui lui succédera ? Or, Paul II est bien disposé pour vous. Il n'est pas forcé de connaître vos liens profonds avec Rimini. Il vous offre deux belles villes contre une. C'est une proposition de diplomate. Répondez-lui sur le terrain de la diplomatie. Si le pape mettait le siège devant Rimini, je tiendrais cela pour de bonnes guerres. Mais venir me faire un marché de ma ville, c'est comme si on me disait « Donnez-moi Madame Isotta que je l'amène dans mon lit !» Je vous donnerai en échange Carlotta plus Ginevra plus je ne sais qui. Faire tuer le pape est un projet qui mérite l'examen. Le poignarder vous-même est une extravagance née d'une bouffée de délire. Vous seriez massacré sur le champ. Le pape me reçoit toujours en audience privée, avant qu'on ne s'aperçoive du fait nous serons loin. Sans doute l'affaire doit être combinée, mais j'ai 7 jours de voyage pour y réfléchir avec mes compagnons. Vous voulez donc votre mort ? Peu m'importe de mourir si je l'ai tué avant. Monseigneur, quand vous alliez à la bataille, je ne vous ai jamais arrêté, jamais gêné, ni dans aucune des occasions innombrables où vous avez joué votre vie. Mais cette fois, au nom de ces 10 années où je vous ai chéri, au nom de ce goût étrange qui vous porte à me demander conseil, rentrez dans votre raison. Vous avez la fièvre. Ne décidez rien que votre fièvre ne soit tombée. Comment savez-vous que j'ai la fièvre ? Je le vois dans vos yeux. J'ai la fièvre, en effet, depuis que Vénière m'a parlé. Vous voyez toujours en moi des choses que personne n'y voit. Cela est naturel. Oh, c'est vrai, chérie Isotta, cela est naturel. Promettez-moi donc d'attendre quelques jours avant de partir. Alors vous verrez la folie de ce que vous faites. Laisse-moi mes folies ! Une petite flamme de folie, si on savait comme la vie s'en éclaire. Et puis, si je ne me regardais pas vivre, pourquoi vivrais-je ? Sigismond, ne mourrez pas pour rien. Mourrez, s'il le faut, pour quelque chose. Mais pas pour rien. Non. Pas pour rien. Il ne s'agit pas seulement de vivre, mais de vivre en étant et en paraissant tout ce qu'on est. Car on compose. Et composant, on n'abuse ni ne désarme personne, on en est pour sa fatigue. Et enfin, vivre ainsi n'est pas suffisant. Il faut encore le vivre avec gloire. Prends garde à tes larmes, Isotta. Quand je ne serais pas décidé à mon acte, tes larmes m'y décideraient. À seule fin que je ne puisse pas croire que ce sont elles qui m'ont arrêté. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Ce n'est pas l'heure où je pleure. Quand tu pleures à cause de moi, tu devrais ensuite m'en demander pardon à genoux. Je n'ai pas peur de souffrir. Mais j'ai horreur de souffrir à cause d'un acte de démence que les astres condamneraient comme les hommes le condamnent. Consultez Corcos et vous verrez. Mon étoile est plus forte que tous les astres. Elle les dévorera comme le vautour dévore les autres oiseaux. Vous serez tués. Mais il ne s'agit pas d'être tué. Il s'agit de vivre pour pouvoir tuer sans risque. Tuer, vous serez aussi vaincu que le pape tué. Tu es donc mon pire ennemi que tu veux m'enlever ma vengeance. Une vengeance trop prompte n'est plus une vengeance. Ce n'est qu'une riposte. Une vengeance digne de vous doit être longue et infinie. Infinie? Quand déjà ces 7 jours qui me séparent de sa mort me remplissent d'inquiétude. Oh, s'il échappait, est-ce que ce soit moi qui le tue? Il vivra le temps qu'il faut. Il se baigne et se dorlote et cuira ses dongans et farcit de remèdes. Il s'aime bien trop pour mourir comme cela. Votre vengeance peut être lente. Elle doit aussi être indirecte. Il faut tuer le haut, monseigneur. Faute de quoi, on pensera que vous ne savez pas vous servir des autres, ce qui est le grand art du prince. Il faut tuer sans vous exposer vous-même. Faute de quoi, on pensera que votre sagesse a défailli. Mais, supposez que j'agisse ainsi, comment faire pour qu'il sache que c'est moi qui le tue? Quand j'ai fait tuer Rosa Spina, il a murmuré en expirant « Piccinino, la charogne !» J'avais perdu ma peine. Il connaîtra l'homme pour un homme à vous et comprendra, ou l'homme lui murmurera votre nom en portant le coup. J'avais pensé d'abord au poison et à Porcellio. Porcellio s'y récusait. Il ne faut jamais mettre un homme d'esprit dans l'obligation d'agir comme tel. Qui pourrait se charger de cette affaire si je me décidais à en charger quelqu'un? Micheli? Boccanegra? Bon, non. Je n'ai confiance en personne. En personne! Suivez quelqu'un dans la rue pour les pieds et quittez-le des yeux un seul instant, cela suffit, il a disparu. De même, si je quitte des yeux un seul instant ceux qui me servent, c'en est fait, ils m'ont trahi. Je marche au milieu des traîtres comme on marche au milieu des arbres dans une forêt. Ils se trahissent d'abord entre eux et c'est pourquoi vous êtes en vie. Vive mes ennemis! Eux, du moins, ne peuvent pas me trahir. Monseigneur, 2 nouvelles. Une bonne et une mauvaise. La mauvaise, le Sacramoro vient de trépasser. Voici le sergent qu'on envoie vous en faire part. Monseigneur, le capitaine Sacramoro avait à peine atteint son logis. Assez! Voilà un individu qui me fait dire qu'il est vivant, puis 10 minutes plus tard, qui me fait dire qu'il est mort. Est-ce qu'il se moque de moi? Est-ce ma faute si cet imbécile avait un coup de poulet? Tu peux te retirer. Et il y a une bonne nouvelle? On apporte la statue trouvée en terre dans le jardin de Carlo Buonfalcone. On n'en pense pas en ce moment. Laisse! Au contraire. Que la matière en est belle. Il semble qu'elle soit remplie de soleil. Qu'on en ferait sortir du soleil en la pressant entre les mains. Si le succès d'un siège que je faisais dépendait d'un peu de chaud, et si je n'en pouvais trouver qu'en faisant piler du marbre antique, je crois que je lèverais le siège. D.M. 10 Manibus. C'est une statue funéraire. Une statue funéraire? Je ne lis pas D.M. Je lis F.M. Et F.M. Porcellio, vous comprenez ce que ça veut dire? Peu m'importe, puisque c'est D.M. F.M. Fortuna Malatestensis. La fortune de Malatesta. Et voici la tige d'épi des statues de la fortune. Une tige d'épi? Moi, je vois un rouet. C'est une tige d'épi. Et c'est ma fortune qui sort de sous la terre pour mettre un signe merveilleux en cette heure solennelle. Le voilà qui recommence à jouer avec ses rêves. Eh oui, mais peut-être avez-vous raison, monseigneur, mais sans doute vous avez sûrement raison. Comment avais-je pu m'y tromper? Vive Dieu! À cheval pour Rome! Qu'ai-je besoin des astres de maître Corcos et de meurtriers à pointer? C'est moi-même qui serai l'instrument de mon destin, non un autre! Enfin, moi-même avec moi-même, et avec toute la sécurité qui sort de moi pour moi! Oh, belle chose, oh bel être créé par les vivants et plus beau que ce qu'il a créé. Encore un regard à ce que peut-être nous ne verrons jamais plus. Encore un instant de beauté avant les choses atroces. Fortune de Malatesta, qui m'avait précipité aux plus profonds abîmes, et de là, exalté à la plus haute étoile, soyez-moi propice. Moi, je vous promets en échange une année entière sans péché. Oui, une année entière de vie vertueuse et d'offrandes grandioses aux pauvres et d'un sincère repentir de mes fautes, si vous me permettez de tuer le pape et de n'y être pas tué. Ah, mon cher seigneur, vous qui me reprochiez d'être tantôt bon chrétien et tantôt idolâtre... Eh bien, vous venez de prononcer là une prière plutôt étrange. Le tuer sera ma prière. Vatican, une antichambre remplie de gardes. Malatesta, accompagné de deux de ses fidèles, Gaspare Broglio et Federico de Meldola, s'en approche. Que craint-on ? C'est Dieu qui rend parlant les visages et prévient ainsi quelques forfaits. Si le seigneur de Rimini avait mieux composé son visage, lorsqu'il se présenta hier matin au Vatican, le pape lui aurait accordé une audience immédiate, comme il faisait toujours pour un ancien serviteur du Saint-Siège. Mais son maintien désordonné a éveillé les soupçons. On n'en avait pas au pape qui a remis l'audience à aujourd'hui et qui se garde. Le pape était-il ému ? D'abord très ému. Ensuite, il a retrouvé un petit coupe-papier qu'il avait égaré depuis plusieurs jours, et cela l'a ragaillardi. Comme Malatesta arrive en avance sur l'heure prévue. On dirait qu'il n'a pas eu la force d'attendre plus longtemps. Hier, j'ai frôlé sa main. Elle était glacée. Je n'oublierai jamais ce contact. Messieurs, veuillez attendre un moment ici. Sa sainteté ne tardera pas à vous recevoir. Je me meurs, Seigneur, au nom du ciel, calmez-vous. Prenez un autre air. Un enfant devinerait que vous méditez quelque chose. Une crispation nerveuse contracte votre visage. On peut me croire bouleversé sans pressentir pour cela ce que je vais faire. Vous frissonnez ? Je ne sais pas si je frissonne, mais j'ai froid. Vous, prunelle, on pâlit, comme la mer devient livide avant la tempête. Le diable t'emporte ! Est-ce que je peux empêcher mes yeux de pâlir ? C'est démence qu'exécuter un tel acte sans être de sang-froid. Pas dormi une heure cette nuit. Il vaut mieux passer la nuit avec la colère qu'avec le repentir. Et durant une semaine de voyage, vous n'avez presque pas mangé. J'ai mangé au mal que je lui veux. Il me semble qu'il y a du monde à côté. Est-ce habituel ? Est-ce ici que l'on vous fait attendre d'ordinaire quand vous avez audience ? Non. Non ? Ah, je redoute le pire. De grâce, monseigneur, ne touchez pas ainsi votre poignard. Ne voyez-vous pas que les gardes ont les yeux sur nous ? Monseigneur. Baisez votre médaille de la victoire. Baisez aussi votre médaille de la Vierge. Sainte Vierge, Mère de Jésus, veillez sur nous, protégez-nous. Que la victoire m'inspire et que la Vierge me protège. Et que le génie de Malatesta cuirasse mon cœur. Et conduise mon bras. Monseigneur, sa sainteté vous reçoit dans l'instant. Messieurs, daignez me suivre. Et attendre dans l'antichambre pontificale. Messer Federico de Meldola et le capitaine Broglio ont à parler à sa sainteté au même titre que moi. L'audience que sa sainteté accorde à votre seigneurie est une audience strictement privée. La présence de mes compagnons est indispensable à notre entretien. Je regrette, monseigneur, mais j'ai des ordres formels. On introduit Malatesta auprès de Paul II, entouré de cardinaux et de gardes. Malatesta tombe à genoux devant le pape. Vous avez désiré de nous parler. Je vous écoute. Je ne puis parler à votre sainteté qu'en tête à tête. Il n'est rien que ces miens frères ne puissent ni ne doivent entendre de vous en ce moment. Alors je n'ai rien à dire. Quelle audace, quelle audace. Ou plutôt j'ai à dire que j'ai tout de ce que vous m'avez fait. Me prendre en rimini à moi. À moi. À moi. À moi, mais... La mère qui bat les grèves de Rimini en s'y brisant répète le nom de Malatesta. Sainte mère de Rimini, sainte Adriatique, vous engouffreriez plutôt ma ville que de la laisser prendre par quiconque. Que Pie II ait envoyé des troupes contre Rimini, soit qu'il était dans son rôle, mais vous, Pie II me détestait. Pendant 6 ans, il m'a tenu dans sa poigne et broyé. Et puis, en Morée, quand j'ai appris votre exaltation, j'ai fait le rêve d'un pape qui me sortirait de cette nuit de Pie II. D'un pape qui, tout entouré de mes ennemis implacables, aurait en lui je ne sais quelle fraîcheur, ou je ne sais quelle honnêteté, ou je ne sais quelle fierté, tel qu'il oserait rester seul parmi eux, à ne me haïr pas. Je suis revenu et vous m'avez accueilli en défenseur de l'Église, qui venait de combattre pendant 2 années contre les infidèles. J'ai parcouru Rome en grande pompe, comme les Césars vainqueurs, escorté de tous les cardinaux les plus anciens en titre. Et l'un d'eux tenait la bride de mon cheval. Je recommence. Ce jour-là, toute la gloire dans ma main comme un oiseau. Vous oubliez que les cardinaux en d'autres temps vous ont accusé. Et notre mémoire est bonne. De carnage, de viol, d'adultère, d'inceste, de parricide, de félonie et d'hérésie. Vous avez été condamné à mort et excommunié. Vos propres sujets fuyaient devant vous comme si vous étiez l'ennemi. Votre frère passait dans le camp du pape. Ici même, tu as été brûlé en effigie comme prince des traîtres et des parjures, ennemi de Dieu et du genre humain. Et des mannequins, tes représentants, étaient brûlés dans toutes les villes du Saint-Ciel. Nous vivons en un temps où, Dieu merci, une condamnation à mort ne déshonore plus personne. Astronome, tu oses? Et toi, à me tutoyer, tu l'oses? Qui es-tu donc? Oh, mais je te reconnais. Tu en étais de ce tribunal. Tribunal de justice. Tribunal d'injustice, comme les autres. Pas supporter cette tribunal. Tribunal de la légèreté, de la vengeance et de la haine. Oui, je te reconnais, Satan. Tout rouge des flammes de ton enfer. Et d'abord, quiconque accepte de juger son semblable se condamne lui-même. Car il sait bien qu'il est toujours aussi coupable que celui qu'il juge. Assez, en quelque tribunal qui soit au monde, il suffit de voir les têtes des juges pour savoir que l'accusé est innocent. Très simple. Au nom du sacré collège, je demande un châtiment immédiat pour ce blasphème. Cache-toi, juge de tes semblables. Tu me fais horreur. Crois-tu m'enflammer à 10 pas avec tes coups d'œil incendiaires? Penses-tu que je suis une pote de foin et que tu es le soleil? Moi, je me souviens du jour où tu venais nous faire repentance et renoncer à tous tes états, sauf Rimini. Moi aussi, je m'en souviens. Tu barbouillais d'une voix peu sûre ton petit discours, et la sueur coulait long de tes oreilles. Oui, voilà ce qu'il faut nous rappeler. Très Saint-Père, faites arrêter cet homme. Très Saint-Père, protégez-moi contre ces hommes. Éminence. Malatesta est un fils bouillant qui s'oublie. Mais il a été aussi un fils zélé. Un polisson! Oui, voilà ce qu'il est! Un polisson! Un polisson si zélé que vous lui avez donné la rose d'or! Suprême honneur que le Saint-Siège n'accorde qu'à ses enfants insignes! Alors j'ai cru avoir retrouvé le Saint-Siège, tel que je l'avais connu sous votre oncle Eugène IV, dont j'étais à 19 ans le condottiere, auquel durant des années je n'ai donné que des victoires. Le passage de Pie II n'était plus qu'un songe affreux. J'ai cru que malgré tout, puisque vous étiez, vous, un chrétien véritable... C'est cela. On mène une vie scélérate, l'Église vous a excommunié, on a souffert cruellement par les prêtres, mais quand tous vous manquent, C'est encore vers le prêtre qu'on se tourne en dernier recours. C'est dans un prêtre qu'on jette sa dernière confiance. Vous qui êtes un chrétien véritable. Telle est la force d'un rayon de Jésus-Christ. Oui, n'est-ce pas? Il y a de quoi en trembler d'orgueil. Oh, d'orgueil! Comme vous errez dans la nuit. Pourquoi la nuit? Était-ce la nuit de ne demander qu'à vous servir et à être un fils dévoué, moi qui ai notre Sainte Église dans les veines? Je vous aimais. Et il a fallu votre outrage pour me tourner contre vous. Avoir de la sympathie pour quelqu'un qui vous hait, cela est horrible. Ah, si vous aviez voulu. Mais non, vous aussi, vous êtes comme les autres. D'un geste, le pape ordonne aux cardinaux et aux gardes de sortir. Ils obéissent. Vous avez une arme sur vous, jetez-la. Vous n'en avez pas une autre? Enlevez la tête. N'approchez pas de moi, pas d'un seul pas où je rappelle mes gardes. Je n'ai pas voulu vous déposséder de Rimini. Je vous ai proposé un échange, dont l'initiative d'ailleurs venait de mes frères du Sacré Collège. Cet échange, vous étiez libre de le refuser. Tâcherons de trouver autre chose pour vous préserver de nos chers Vénitiens. Vous faites sonner haut votre amour pour l'Église. Disons que tantôt vous l'avez servi et tantôt attaqué. Vous changez très souvent, Malatesta. Ce sont les temps qui changent, non moi? Le vrai cours que maintenant encore, malgré toutes vos rétractations et promesses, vous riez beaucoup de ceux qui prennent leur force dans le Christ. Comment rire de ceux qui prennent force dans le Christ alors qu'ils croient en lui, puisque moi je prends force par exemple dans le mythe d'Adonis, auquel je dois bien avouer qu'au fond je ne crois pas. Qu'est-ce que ce mythe d'Adonis? Je suis excédé de cette païennerie qu'on met partout aujourd'hui. Laissez Adonis et parlons sérieusement. Vous m'avez dit, vous aviez notre Sainte Église dans les veines, cela. C'est le style de votre défense devant le tribunal ecclésiastique. Passe avec moi, au prix. J'ai oublié que vous aviez 15 ans quand pour la première fois vous avez combattu et même défait les troupes du Saint-Siège. Puis j'ai oublié qu'un jour, forcé de toutes parts, vous avez eu l'idée infernale d'offrir votre alliance au grand Turc pour l'aider à envahir l'Italie, et cela dans le moment même que Pie II prêchait la croisade contre lui, ce qui est bien la forme la plus caractérisée et la plus odieuse de la trahison. Puis-je oublier que vous tirez gloire de faire bâtir à Rimini une église scandaleuse, qui est en réalité un temple des faux dieux, puisque toute la décoration, toutes les inscriptions, tous les symboles y évoquent les légendes païennes, et que pas un seul signe, pas un seul, n'y rappelle celui qui vous a créé. Puis-je oublier qu'il n'y a pas 6 ans que Pie II a réuni au Vatican ce tribunal spécial qui a prononcé votre déchéance de vos droits souverains, la confiscation de vos biens, et enfin vous a condamné à la peine des hérétiques, c'est-à-dire à périr par le feu. Votre sainteté ne me reproche que des faits anciens, pour lesquels j'ai été sans doute condamné, mais dont j'ai été lavé par la suite. Et puisque, de cette fameuse sentence, aucune partie n'a reçu exécution. Et puisque c'est finalement la rose d'or qui a fleuri de mon bûcher... Vous avez été lavé, dites-vous. Non ! Ce que vous étiez, vous l'êtes encore. Nous vous connaissons, Malatesta, depuis un demi-siècle que vous êtes sur cette terre. Nous connaissons bien tous vos tours. Ils sont toujours les mêmes. Vous nous fatiguez. Je me fatigue quelquefois moi-même. Ils vont du plus grand au plus petit. De l'assassinat à la sotte farce des colliers. L'histoire de l'encre est-elle vraie? De l'encre? On raconte qu'il y a peu, passant à l'aube devant une église, vous avez fait verser de l'encre dans le bénitier pour que les fidèles abusés par le lieu obscur se noircissent le visage et les doigts. Vous n'avez pas honte à votre âme. Le jour que j'ai fait cela, je devais être sous une mauvaise étoile. Vous voudriez notre confiance? En quoi la méritez-vous? Hormis vos fantaisies et vos passions, vous ne servez et n'avez jamais servi que vos intérêts. Oh, toujours jouant de votre loyauté en artiste consommé. J'ai essayé de concilier mes intérêts avec les intérêts de ceux qui m'employaient. Et moi, qui donc m'a jamais soutenu autrement que par intérêt? L'intérêt disparu, disparu le soutien. Vous avez outragé toutes les lois, les divines, les naturelles et les humaines. Vos crimes dépassent toute mesure. Vous moquez de la chrétienté, vous vous moquez de l'Italie, votre famille, vos familiers. Vous avez trahi et tenté d'empoisonner Sforza, votre beau-père. Vous êtes présumé avoir étranglé vos deux premières femmes. Vous avez torturé et tué votre vieux précepteur Ugolino de Pile. La nature, vous couchiez avec votre gendre Camerino lorsqu'il était un adolescent. Vous avez souillé le cadavre de la belle allemande de Fano après l'avoir mise à mort. Eh bien, les femmes sont faites pour être aimées. Vous avouez donc. Accusé, accusé. Un accusé est déjà un coupable. Dis encore. Je n'évoque ce crime-ci qu'avec un frisson d'horreur. Vous avez tenté de posséder votre fils Roberto qui a dû saisir un poignard pour se défendre contre vous. La vie de famille elle-même ne peut-elle avoir ses moments de fantaisie? Ah. Et d'ailleurs, c'était une simple plaisanterie qui a été déformée à plaisir. Oui, oui, oui, défendez-vous. Ah. Il y a en vous l'amour inné du mal. Vous êtes un monstre. Je ne suis nullement un monstre, très Saint-Père. Je me sens au contraire le plus bénin des hommes quand on plie devant moi. Ah. Et je pourrais dire, comme le Corleone est sur son lit de mort, ne donnez jamais à un autre le pouvoir que vous m'avez donné. J'aurais pu en user plus mal que je ne l'ai fait, car tout ce dont vous m'accusez est pure invention et calomnie. Et on m'accuse de ce que j'ai fait, de ce que je n'ai pas fait. Et aussi des mêmes actes pour lesquels on ne blâme pas les autres quand ce sont eux qui les font. Et pour lesquels même il arrive qu'on les loue. On m'accuse de ce dont on me croit capable et on me croit capable de tout. Parce que ce sont mes ennemis qui ont pris le dessus dans la fabrication de ma légende. Se justifier par l'opinion publique quand on a créé soi-même cette opinion à coup de mensonge, c'est trop facile. Je suis entouré de haine. D'une haine qui depuis 35 ans n'a pas désarmé. Au nord, j'ai la haine de Venise, au Ponant, la haine de Sforza. Au sud, la haine d'Alphonse et d'Urbain. Et ici, la haine du pape. Je me suis emparé pour mon compte, par violence ou par finesse. La belle affaire, puisqu'on m'a tout repris. J'ai eu 6 villes. Je n'ai plus que Rimini. Je suis au point où j'étais quand j'avais 12 ans. Et j'ai eu des crimes. Pourquoi ne pas les oublier, puisqu'on oublie mes bienfaits? J'ai donné 14 enfants à l'Italie, dont 8 garçons. J'ai vu 5 de mes garçons chevauchés devant moi sur une ligne. Leur taille avait le balancement qu'a l'étendard de la victoire. Et cette victoire, elle aussi, je l'ai donnée, bien des fois, à ceux qui s'en étaient remis à moi de tout leur sort. Je la leur ai donnée malgré eux, contre eux, dupés par eux, trahis par eux, trahis par mes maîtres, trahis par mon frère, trahis par mes fils. La haine, toujours la haine. Ah, comme on aurait été infâme avec moi. Malatesta, est-ce vous? Est-ce Malatesta qui se plaint avec une telle dolence? Vous tarissez la justice que l'on voudrait vous rendre en la réclamant sur ce ton indigne de vous. J'ai soif. Gardez votre soif. Vous boirez tout à l'heure. Quand j'ai le ton des héros, on me le reproche. Quand j'ai le ton humain, on me le reproche. Pourquoi ne me plaindrais-je pas une fois? J'en ai assez d'être toujours de fer. Eh bien oui, vous pourrez dire à tous, Malatesta est un faible, un pleureur. C'est un bravache en carton-pâte, comme ceux du carnaval, bon à faire peur aux enfants. Que m'importe, puisque, vrai ou non, on le dira toujours pour me discréditer. Pourquoi me donnerais-je le mal de me tenir droit, puisque de toute façon, on affirmera que je suis tordu? Pourquoi ferais-je quelque chose de bien, puisque ce ne sera reconnu par personne? C'est ainsi qu'on a corrompu et flétri tout ce qu'il y avait de bon et de fleurissant en moi. Allons, Seigneur Sigismond, vous parlez. Vous me rappelez ce que me disait le duc d'Urbain. Votre éloquence était le masque que vous mettiez sur votre pensée muette. Et Sforz... Urbain, Sforz, Alphonse. Toujours les mêmes noms qui auront bourdonné autour de ma tête tout le long de ma vie. S'il pouvait y en avoir d'autres. Si je pouvais changer un peu de contemporain. Et maintenant, cela va être Ferdinand de Naples. Ferdinand de Naples? Il me presse de m'engager avec lui. Ah? Eh bien, Malatesta, vous m'avez dit que vous auriez aimé servir de nouveau la Sainte Église. Il vous faut aussi racheter le crime que vous disposiez à commettre sur ma personne. Je vous offre le moyen d'accomplir ces deux tâches. Une fois encore, vous pouvez être le condottiere et pontifical. Cela vaut bien le service de Naples. Votre condottiere? Oui. Oh, mon pape! Oh! Véritable Jupiter! Oh. Je viens ici pour... Et vous... Ce que je fais, je ne le fais pas pour vous. Vous êtes ceci et cela. Vous êtes un des plus grands hommes de guerre de l'Italie. Je m'attache à cet homme, c'est tout. Et je lui fais confiance. Vous lui faites confiance ou vous avez confiance en lui? Je lui fais confiance. Ramassez votre couteau. Et moi, je veux vous donner une pareille marque de confiance. Et je vous supplie d'agréer que je me confesse à vous. Vous vouliez savoir jusqu'où j'étais pécheur, vous le saurez. Seigneur Sigismond... Que ne puis-je tenir dans mes mains votre rose d'or et la serrer sur ma poitrine comme une épée? Sigismond... Comme il aurait été beau que vous fussiez honnête. Quoi? Honnête. Droit. Sans tâche. Pareil à cette armure d'argent pur que vous portiez le jour de votre triomphe dans Rome, et non à ce pourpoint de ténèbres que vous avez endossé pour ma mort. Pour la mienne! Oh, Sigismond, Sigismond, vous qui avez été un jour le faucon de la chrétienté. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Bien. Relevez-vous. Pourquoi vous confessez à moi? Il ne manque pas de prêtres dans Rome. Allez à eux. Très Saint-Père. Ne mettons pas entre nous la confession, Monseigneur. Elle risquerait de rendre l'un ou l'autre de nous moins libres. C'est un sacrement délicat. Il faut en user avec prudence. N'insistez pas. Conduisez notre bon fils, le seigneur Malatesta, aux appartements du Pater Noster où il logera jusqu'à nouvel ordre. Vous verrez demain Monseigneur Chivital, il vous remettra un projet de contrat. Mes compagnons pourront-ils rester avec moi? Ce sont de vaillants capitaines. Vos hommes demain s'en retourneront le plus tôt possible à Rimini. Mais, très Saint-Père, quand pourrez-vous m'entretenir des travaux qui vont m'être confiés? Quand, où, comment vais-je employer mes forces au service de votre béatitude? Monsignor Civitale vous renseignera. Monsignor Civitale est-il bien l'homme qu'il faut pour parler des choses de la guerre et en discuter au besoin? Est-ce que vous-même... Ne vous inquiétez pas, tout viendra à son heure. Votre sainteté me laisse dans une ignorance et une incertitude extrême. Ne pourrais-je dès à présent savoir un peu? Je vous répète que vous saurez, en temps voulu. Maintenant, allez à vos appartements. Un des officiers de ma garde personnelle veillera toujours, avec ses hommes, sur votre sécurité. Ils veilleront aussi où vous serez sur la sécurité des autres. Vous ferez donner à boire à Monseigneur. Il a soif. Oh. À Rome, au palais de Venise, habitation du pape, prélats et courtisans se pressent sur les balcons pour assister à une fête populaire précédant l'arrivée d'une course. Vous voyez, tous les jeunes gens en rouge se réunissent. L'un à côté de l'autre, ils vont former une lettre, puis ceux en vert formeront une autre lettre, puis ceux en jaune une autre et ainsi de suite, et tous ensemble ils traceront un mot. Quel mot? Devinez. Voici un A. M. Am. Mou. O. O. R. Le R ne bouge pas et tous les autres viennent se placer au-devant de lui dans une gracieuse évolution. O. Regardez. De quoi? Des femmes, des vieillards, des ânes ou des buffles? Des jeunes gens, tout simplement. L'arrivée est en face et les trois premiers monteront ici pour recevoir la bénédiction particulière de sa sainteté. Regardez notre Sigismond. La haine, l'humiliation et la rage se disputent son visage crispé. Depuis sa mise à l'écart et sa maladie, on dirait qu'il est toujours prêt à mordre. Et il a beaucoup vieilli. À voir sous ses ordres les 130 gardes du Vatican et à titre honorifique, après avoir commandé effectivement 7000 hommes devant l'ennemi en Morée, quelle déchéance! Oh, attendez, j'ai une noble tâche pour lui. Il y a là-bas deux ivrognes qui se bagarrent de l'autre côté de la rue. On pourrait l'envoyer les séparer. À moins qu'on ne le charge de jeter de la monnaie à la populace sur le passage du pont, que le pape sortira du palais. Et il faut dire qu'il y a dans l'abaissement des grands quelque chose d'exquis. Passons encore une fois à côté de lui pour lui montrer que nous ne le saluons pas. Je crains qu'il ne l'ait pas remarqué. Mais moi j'ai bien remarqué que ses yeux ne croisent jamais d'autres yeux. Il regarde plus haut que les visages. Messieurs, sa sainteté approche. Cela doit être agréable, la disgrâce. On ne vous demande plus de rendre des services. Et vous savez que Madame Isotta est arrivée à Rome. On pense qu'elle vient d'intercéder en sa faveur. Messieurs, sa sainteté. Clameur qu'entendait le Fils de l'homme sur la croix. Ne me donnez pas la gloire, Seigneur, ne me donnez pas la gloire. Malatesta rencontre Platina, un humaniste. Ah, Messer Platina, on ne s'attendait pas à vous rencontrer ici. Et quelle est cette merveilleuse défroque ? Vous me voyez en costume de membre de l'Académie. Je regrette de ne pas avoir reçu à temps mon grand uniforme de prince des traîtres. Ne plaisantez pas de ces choses, monseigneur. Il ne faut pas plaisanter des dangers. Cela les excite. Mais voici ! Voici les coureurs ! Mais non, ce sont des gamins qui annoncent sans doute leur arrivée. Tous ces hommes qui tiendraient à l'aise dans ma main. Au lieu de s'occuper des coureurs, ces imbéciles vont se battre. Comme on serait bien d'ici pour bombarder cette racaille et faire place nette d'un seul coup. Moi, depuis que je connais le peuple de Rome, en chacun de ces visages, je vois l'assassin. Des assassins ? Vous leur faites bien de l'honneur. D'assassin ou non, tout enthousiasme me glace. Je n'ai jamais vu d'enthousiasme que pour des causes bêtes. Si une foule m'acclamait, j'aurais un haut le corps et je crierais qu'on les fasse dompter. L'enthousiasme est un des dragons qui dévore une société. Je suis content de vous voir. Je m'étonnais un peu que vous fussiez resté si longtemps sans rendre visite à ma bibliothèque. J'ai pensé qu'une telle visite vous paraissait désormais chose compromettante. Êtes-vous devenu à ce point compromettant ? Le pape est dans l'Académie non seulement les littérateurs, race qu'il insupporte, mais un esprit de liberté qui fatalement se retourne contre l'Église. Depuis que nous nous sommes vus, avez-vous donc de nouvelles raisons d'être inquiet ? Une suffirait. Ce qui s'est passé il y a 2 jours. Que s'est-il passé ? Buonaccorsi. Eh bien. Vous ne savez pas que Buonaccorsi a été arrêté ? Voilà qui mesure la profondeur de votre chute. On ne vous tient au courant de rien. J'ai appris la nouvelle à la 17e heure. Je vous jure qu'à ce moment, j'ai eu la conviction que j'allais être arrêté la nuit même. Tout le reste de la journée, j'ai vécu, agi comme un fantôme, j'étais dans une autre vie. Et puis enfin, j'ai trouvé le repos. Je voudrais savoir dans quel livre le plus grand humaniste de l'Italie a trouvé le repos sur le point d'être jeté en prison. Le plus grand humaniste de l'Italie a trouvé le repos en allant au bordel. Et puis vous voyez, je suis libre et je suis ici. On emprisonne les autres académiciens, moi on me réserve pour la bonne bouche. L'inondation veut me faire savourer jusqu'au bout la façon dont elle monte autour de moi. Je m'attends à être arrêté d'un instant à l'autre, arrêté ou pis. Chaque fois que je rentre à la nuit tombée, que j'aperçois 2 ou 3 hommes en conciliabule non loin de ma porte, je pense, tiens, voilà mes tueurs. Engagez des bravis. Ma maison n'est pas grande, il ferait du vacarme et m'empêcherait de travailler. Pourquoi ne parlez-vous pas au pape ? Quelquefois, une franche explication... Je ne me donnerai pas cette peine. Et puis, quand on voit ce que sont les hommes, comme c'est bien d'être vaincu. Excusez-moi, je ne me sens pas fait de l'étoffe dans laquelle on taille les persécutés. D'ailleurs, je suis général, je ne peux pas être philosophe. Il faut que cela me chiffonne un peu de me faire battre. Mais vous, si vous en êtes à ce point, qu'attendez-vous ? Qu'espérez-vous ? Les événements s'usent. J'attends le temps où l'époque présente apparaîtra ridicule. Et vous-même, monseigneur ? Tenu à l'écart, ignoré, inemployé, zéro. Un homme de votre valeur. Et surveillé, espionné, ma correspondance ouverte, en cage, vraiment. Quand j'ai voulu aller passer un dimanche à la vigne de Francesco Mondavio, le sauf-conduit pour sortir de Rome m'a été refusé. La manœuvre est évidente. En traitant avec moi, le pape a voulu me paralyser, et notamment m'empêcher de m'engager avec Naples, ce qui était pour lui l'inconnu. Si j'étais innocent, ce serait horrible, mais j'ai au moins la satisfaction de me dire que je suis coupable. Hein. Comme j'ai bien fait de l'être. Vive ma vie ! Je me console aussi, en recherchant dans les auteurs anciens tous les passages où il est question d'hommes illustres qui furent en disgrâce. Ils l'ont été presque tous, Dieu merci. Et je finis par me sentir heureux au milieu de cette grande famille de condamnés. Je connais tout cela et n'en souffre pas plus que vous. Il arrive un âge où nos déceptions même ne nous sont plus qu'un spectacle. On a porté les machines pour le feu d'artifice de ce soir. Comme de coutume, le feu d'artifice ne vaudra pas grand-chose. Mais il fera un bruit du diable et c'est toujours cela. Oh, regardez! Ils promènent une banderole avec cette inscription. Sanctus Petrus, Sanctus Paulus, dit tutelares Romae, nos saints apôtres, Dieu tutélaire de Rome. Quand même, ils exagèrent un peu. Que vous, l'homme de la victoire, et moi, l'homme de l'étude, que vous et moi, qui par le bien et par le mal faisons corps désormais dans les siècles avec le patrimoine de l'Italie, nous soyons traités en ennemis de la patrie et quasiment en bandits de droit commun, cela ne mérite pas qu'on en gémisse, mais qu'on en sourie. L'infortune compte pour notre gloire au même titre exactement que le succès. Et leur goût, d'ailleurs, est exactement le même. Est-ce que la grève se plaint quand la marée se retire d'elle? Elle sait que la marée reviendra. Si pareille épreuve ne nous était pas advenue, nous aurions dû la provoquer. Il n'y a pas de grande destinée sans un peu de mélancolie. Et maintenant, Seigneur Malatesta, je vais vous faire un aveu qui va vous surprendre après ce que je viens de vous dire. Eh bien, voyez-vous, au fond, au fin fond de moi, je ne crois pas que je serai arrêté. Il y a dans ma librairie 900 volumes qui me protègent, la fleur de la pensée et de l'action des hommes depuis 20 siècles. Quand je suis avec Tite-Live, avec Marc Corel, avec Démosthène, avec Périclès, ils sont tellement plus réels pour moi que mes contemporains. Mes préoccupations sont tellement impénétrables et incommensurables pour ceux qui m'arrêteront qu'il me semble qu'à un moment ou l'autre, il est fatal que cette évidence éclate dans l'esprit de mes accusateurs eux-mêmes. En une révélation, ils verront à quel point je puis être innocent. Vous ne me répondez pas. Je ne vous réponds pas parce que vous ne me convainquez guère. Écoutez, il y a autre chose. Il y a que j'ai eu la chance pour moi tout le long de ma vie. Je n'espère pas beaucoup dans les destins de l'Italie, mais je continue d'espérer en moi-même. Le violet! Par Hercule, grâce au divin Paul, Rome se croirait revenue au temps d'Auguste. Le violet, quel quartier est-ce? Le Campo Fiore. Et le rouge, le Trastevere. Et le bleu, les Bianchi. Le violet gagne. Le bleu revient. Le Campo Fiore a gagné. Et derrière lui, le Trastevere. Les trois premiers coureurs sont déjà entrés dans le palais. Allons les voir. Entrons. Car je ne veux pas manquer le couronnement. Alors, Messer Platina, la disgrâce a consolé la disgrâce? Éminent, je n'ai pas à consoler Malatesta. Est-il donc si à plaindre? Il y a longtemps que le pape aurait pu le mettre hors d'état de nuire. Sans doute notre Malatesta est trop amateur de choses nouvelles pour être jamais de tout repos. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Oh, mais je vois que vous êtes son ami. Je ne lui veux nul mal. Mais la fonction sacrée d'un clerc n'est-elle pas l'impartialité? Et l'impartialité m'oblige à dire que le fait qu'il soit en liberté m'étonne. Savez-vous pourquoi il en est arrivé là? De nos quatre grands condottiers, il est sans conteste le plus intelligent. Et néanmoins, sa politique n'a jamais cessé d'être stupide. Elle a été toute sa vie une politique d'humeur et une petite politique au jour le jour, empirique et bornée. Cette mauvaise foi puérile, ses trahisons pour le plaisir, ses atrocités, ses vengeances, cela n'est pas sérieux. Cela ne s'accorde ni avec la conséquence dans la conduite, ni avec la lucidité. 9 fois sur 10, cela se retourne contre lui. Il le sait et il y persiste. C'est de la manie. Malatesta a tenu un moment la destinée de l'Italie dans ses mains, mais il ne s'en est pas aperçu. Peut-être aujourd'hui même ne le sait-il pas encore. Il est incapable de concevoir quelque chose de grand. C'est la caricature d'un grand homme. Il y a un côté qui grimace. Parfaitement vrai. Mmh. Réservons donc notre pitié pour d'autres que le Malatesta. Pour le pauvre Tiburzio, par exemple. Votre éminence sait-elle qu'on vient de le trouver mort devant sa maison? Dieu est son âme. Allons dîner. La magnifique Madame Isotta de Rimini attend dans le salon de la porte ronde. Lui faites l'entrée. Eh bien, Madame Isotta, vous arrivez quand la fête s'achève. Il y eut un temps où j'aimais ces fêtes, où je les aimais trop. Aujourd'hui, elles me dépriment. Je suis fatigué des canailles. Oh, fatigué des canailles, si vous saviez. Fatigué même des âpres. Et pourtant, une fête qui s'achève vous laisse un peu à l'abandon, comme si elle avait été un bien. Un bien, cette grossièreté. Vous avez vu les hommes nus. On me persécute avec ces hommes nus. Il me semble sentir encore l'odeur de leurs aisselles. Mais il faut être à la mode. Il faut être homérique, virgilien. Je suis entouré de toute une pègre de littérateurs qui veulent penser par eux-mêmes, prétentieux et dangereux. Vous, Madame Isotta, on vous publie pour une des femmes les plus doctes d'Italie, mais aussi pour prudente, avisée, virile, votre renommée est grande et vous êtes respectée de tous, vous que l'on appelle la mère de Rimini. Ce n'est pas en tant que femme docte. Supposez que je le sois, que je suis venue implorer votre sainteté. C'est en tant qu'épouse du seigneur Sigismond Malatesta de Rimini. C'est pour lui que je viens demander grâce. Madame Isotta, n'est-il pas de règle que celui qui demande parle longtemps d'abord de choses qui ne l'intéressent pas? Vous avez bien vite. Je demande grâce pour Malatesta. Grâce pour Malatesta? Votre sainteté n'ignore pas ce que je veux dire. Je l'ignore. Je supplie votre sainteté de faire cesser l'état où elle a mis mon très noble et très illustre époux. État où il ne trouve que l'inaction, l'obscurité, le discrédit, les affronts, les embûches et cette opacité d'isolement autour de lui. Il s'y ronge, il y meurt, s'il s'abandonne, il est perdu, vous savez bien comment ça se passe chez les hommes. Déjà le coup que lui avait porté votre proposition touchant Rimini l'avait secoué de telle sorte qu'il en était tombé malade. Votre rigueur présente l'achève. Lorsqu'il est tombé malade, je l'ai fait soigner aux frais du trésor par un médecin dont j'ai pris soin qu'il fût natif de Rimini afin d'inspirer à votre seigneur toute confiance. Quant à son état actuel, je n'en dirais que ceci. J'ai donné à mon assassin, à un homme qui avait l'arme en main pour m'assassiner, un emploi très honorable, que beaucoup ambitionnent, et qu'il a d'ailleurs agréé sans contrainte aucune. Certes, la promptitude de votre vol est une merveille de politique. Mais chacun sait que pour la souplesse et l'audace, le Saint-Siège et Venise, il n'y a que... Et comme vous êtes très Saint-Père, à la fois pape et vénitien... J'ai agi par politique, mais aussi par générosité. Et j'ai poussé à l'extrême cette générosité. Outre sa solde, Sigismond reçoit non seulement des frais de représentation pour son service au Vatican, mais des frais de campagne pour une campagne à laquelle il ne participe pas. Et je dois dire qu'il accueille... toute cette menuaille de florins, avec une grande aisance. Votre béatitude aurait été plus généreuse encore en ne faisant pas Sigismond prisonnier. Prisonnier. Que votre sainteté m'épargne de lui décrire une situation qu'elle connaît mieux que moi. Sigismond ne s'est jamais plaint, mais son impatience est celle des démons. En 3 mois, Sigismond vous a demandé 4 audiences. À la première, il espérait encore et n'avait pas à se plaindre. À la seconde, dès sa première plainte, vous avez rompu l'audience. Les autres audiences n'ont pas été accordées. Il m'a approché en maintes occasions. Un jour, il s'était plaint à vous avec le dernier bouleversement. Et alors, vous lui aviez donné cet emploi dérisoire. Il sait ce que lui valent ses plaintes. C'est pourquoi il s'est tu fidèle à sa devise, un temps pour parler, un temps pour se taire. En somme, vous voulez dire que ce jour-là, je lui ai tendu un piège. Oui. Et d'autant plus cruel que cela a été fait sous le visage de la magnanimité. Avec quelle innocence il a été votre dupe, ce prétendu maître en perfidie. Quand je songe qu'il vous a remercié pour votre magnanimité et que vous avez accepté ses remerciements. Quand je songe qu'il a voulu se confesser à vous. Mais je n'ai pas accepté sa confession. Quand je songe qu'il a eu les larmes aux yeux devant vous, il me l'a écrit. Moi qui, de ma vie, ne l'ai vu pleurer à cause de moi. Madame Isota, je vois que vous avez votre franc parler. Je parlerai donc franc avec vous. On ne gouverne pas un État avec pour seule arme le chapelet. Un pape est du ciel et de la terre, il faut qu'il soit sans cesse à volter de l'un à l'autre. Dieu est loin, Madame Isota, et les hommes sont proches, terriblement proches, collés sur nous comme des incubes. Je suis dans mon rôle et dans mon devoir de prêtre en infligeant quelquefois des pénitences aux pécheurs. Ces derniers temps, croyez-vous que je ne percevais pas sa souffrance? Je la percevais très bien. Je l'ai laissé souffrir. Il faut cela quelquefois. Et je suis dans mon rôle et dans mon devoir de prince en ne négligeant pas ce dont est obligé de se voiler une pensée profonde et qui veut cheminer en sûreté. Un homme est venu à moi avec un poignard sous son pourpoint. Pour m'abattre, c'était mon droit de l'emprisonner, de lui faire donner les supplices, de le tuer. Je l'ai seulement mis dans une position où je le tiens en bride et l'empêche de me nuire. Et c'est cela que vous me demandez de faire cesser. Je supplie votre sainteté d'accorder à Sigismond un congé de 3 mois pour qu'il aille à Rimini se détendre et se restaurer auprès de sa femme et de ses enfants. C'est une folie. Par les sacrements que j'ai reçus hier matin, je jure qu'il n'y perpétrera rien contre votre sainteté. Sa nature inquiète et effrénée est de celle qu'il faut avoir toujours sous la main. Je redoute la solitude d'un homme de son espèce, surtout à Rimini. Solitude où il se tapit pour bondir et où à distance on ne sait plus ce que veut ni ce que peut sa malfaisance. Prenons garde. Comme la flamme, il se replie avant de tuer. Sa malfaisance. Vous avez dit qu'on ne gouverne pas un État avec pour seule arme un chapelet. Sigismond n'aurait-il droit qu'au chapelet? Vous ne le connaissez que dans sa conduite d'homme public. Il y a ce que sont les autres. Personne en Italie ni en Europe ne s'attend à ce que Sigismond, qui est condottière et qui est prince, suive une politique toujours nette et loyale. Et s'il le faisait, personne ne comprendrait. Mais savez-vous sa vie d'homme privé? Savez-vous comme il est avec moi depuis 20 années? Comme il est avec ses enfants, et jusqu'à chérir ses enfants légitimes presque autant que ses bâtards. Sa gentillesse, sa facilité, sa gaieté. Ne touchez pas à lui, tout pape que vous êtes, et n'en dites pas le mal, car vous ne savez rien de lui. Toute griffe d'or. Les Turcs en Morée disaient à Sigismond que lorsqu'on débûche ensemble un lion et une lionne, il faut toujours tuer la lionne la première. Parce que la lionne, si le lion est tué, vous attaque. Tandis que le lion, si la lionne est tuée, s'enfuit. On dit de votre Seigneur qu'il est plus impie que jamais. C'est ainsi que dans l'église sacrilège qu'il fait construire à Rimini, un bas-relief, paraît-il, représente Apollon et Jupiter avec, au milieu d'eux, Sigismond. Il s'est divinisé lui-même. C'est là une simple imagination poétique et qui ne tire pas plus à conséquence que, par exemple, lorsqu'il prétend qu'il descend en droite ligne de Scipion l'Africain. Ce sont des choses auxquelles il ne croit pas ou ne croit qu'un peu, mais qu'il exalte au moment où il lui faut accomplir les actions grandes et difficiles. Nombre de hauts personnages à notre époque se prétendent issus d'un héros antique ou se font représenter avec des attributs divins, mais il n'y a qu'à Sigismond qu'on le reproche. Parce qu'il le fait avec trop d'éclat. Et la nuit, devant le camp ennemi, on tire sur tout ce qui brille. Dites, parce qu'il y met peut-être plus de candeur que les autres. La candeur de Sigismond? Mais oui. Il y a en lui, par instant, quelque chose de désarmant. Souvent, ses nerfs de femme, et parfois ses idées d'enfant. Il ne sait pas dissimuler avec persévérance. Sa vitalité amère et ingénue le trahira toujours. Je vois que vous le connaissez bien. Un homme se mesure en une nuit. Je me souviens de son regard le jour qu'il vint pour me tuer et qu'ensuite il se lamentait, ses yeux sournois, avec leur colonne de lumière. Vous avez dit, très Saint-Père, que toute l'Italie me respecte. Eh bien, il n'est rien qu'il n'ait fait que je ne me sente capable de faire. Vous auriez étranglé votre premier mari si vous en aviez eu un. Encore ces abominables calomnies. De toute sa vie, Sigismond n'a eu qu'un seul allié sûr, le marquis d'Est. Et on voudrait que le marquis lui fût resté toujours amical et fidèle après que Sigismond eût étranglé sa fille. Que ces horreurs courent les boutiques des barbiers passent encore. Mais les entendre sur le trône de Saint-Pierre, c'est cela qui est décourageant. Ce qui me dégoûte dans la haine, c'est sa grossièreté. Elle accueille n'importe quel bruit, se nourrit de tout, sans examen, sans discernement. Comme elle est bête, errant bête. Un grand esprit qui est devient aussi stupide qu'un bouvier. L'infamie de Pie II, c'est d'avoir fait place dans sa vie le Sigismond à toutes les sornettes qui couraient contre lui, leur donnant ainsi la triple autorité du talent, de la souveraineté et de la religion. Mais vous, très Saint-Père, calomnié comme vous l'êtes, vous êtes de ceux qui devraient n'écouter jamais la calomnie. Suis-je plus calomnié qu'un autre? Tout le monde est calomnié. Plus ou moins. Le surcroît de puissance que le Saint-Siège tire de ses pouvoirs spirituels ne peut que lui valoir un surcroît d'envie et de haine. À l'homme de Dieu, il est bien facile de mépriser la calomnie. Certes. Et je conçois que vous vous inquiétiez peu de ce que disent sur vous, par exemple, les bourgeois de Rimini. Que dit-on sur moi à Rimini? Voilà qui ne mérite qu'un haussement d'épaule. Encore que j'ai été surprise de l'entendre déjà répéter ici où je ne fais que d'arriver. Dites-le-moi, je vous en prie. Je ne me permettrai pas. Mais si un prince doit être informé, vous me rendriez service. On dit que la bulle, quem ad modum, a été faite par vous sans l'approbation du sacré collège, et que la formule du conseil de mes frères qui s'y trouvent est donc, mettons, une inexactitude. Cette allégation est un pur mensonge. Bien qu'elle traîne partout, je le sais. On vous calomnie aussi dans les petites choses. Oh. On cherche à vous atteindre dans votre majesté. Voyons cela. Non. Non. J'insiste. On dit qu'à la messe, vous videz le vin du calice avec beaucoup d'avidité. Comment voulez-vous que je vous réponde autrement que par un haussement d'épaule? On dit des choses plus sottes encore. Oh, oui. On dit que vous passez chaque jour une heure à vous farder le visage. À me farder. Avez-vous entendu cela? Mais Madame Isota, vous ne l'avez pas cru, n'est-ce pas? Quelle démence! Ainsi, voilà 4 ans qu'au prix d'une peine infinie et de tous les instants, je défends la doctrine de l'Église et là-dessus, je n'ai jamais faibli. Car chacun de nous a des points où il accepte de mollir et ceux où il veut tenir bon. Vous, vous êtes ferme sur Sigismond. Moi, je suis ferme sur Jésus-Christ. Et tout cela pour qu'on dise seulement que le souverain pontife se peint le visage. Est-ce que ce n'est pas horrible? Quelquefois, en m'y efforçant bien, j'arrive à aimer mes ennemis temporels, mais pour ceux qui répandent ces âneries, ah non, non, et mille fois non, même si je me dis que c'est la bêtise qui est la grande punition du péché d'Adam. Cette même bêtise et cette même malfaisance se déchaînent contre Sigismond, et alors vous les écoutez, très Saint-Père. Mes puissants sont de tous les hommes les plus exposés, mais pour eux, pas de charité. Ah, s'il n'y avait pas lieu. J'ai de la charité pour Sigismond. L'amour n'est pas de la charité. Et puis avoir de la charité pour le serpent, c'est n'en avoir pas pour les hommes. Très Saint-Père, s'il en est qui le traite de serpent, d'autres vous traitent de loup. Oh. Mais la destinée elle-même a eu pitié de lui et l'a relevé bien des fois. Pitié pour Malatesta. Pitié et Malatesta. Ces deux mots jurent. Et de qui a-t-il eu pitié, lui? Vous voyez, vous ne pouvez répondre. Je ne peux pas répondre. Comme vous l'aimez. Les nerfs de mon visage se détendent quand je le vois heureux. Seul à l'aimer, je crois. Sigismond n'est pas de ceux qui croient nécessaire de se faire aimer, triste espèce. On peut obtenir certaines choses en se faisant aimer, mais il est plus prompt de les payer et plus fier de les prendre. Oui, oui, continuez. L'amour a toujours d'excellentes raisons. C'est un sentiment des plus étranges que l'amour de la créature pour la créature. On aime peu au palais du Vatican. Quand nos jeunes gens traçaient tout à l'heure le mot « amor », il y avait de quoi rêver. Plût au ciel que les prêtres aimassent Jésus-Christ autant qu'une femme peut aimer son époux. Et plût au ciel que ces prêtres eux aussi fussent un peu aimés. Et ceux-là même qui siègent sur le trône de pierre. Eh bien, je rendrai aux autres ce que je voudrais qui me fût rendu un jour. Je n'étais pas sans une arrière-pensée lorsque j'épargnais Sigismond. Cette fois, je suis sans arrière-pensée aucune. J'agis dans le sens de cette prière que je prononce souvent tout bas et que je prononçais tandis que vous parliez. Faites-moi sentir votre présence, ô mon Dieu, pour que ma conversation soit avec vous dans le ciel, pendant que je traite avec les hommes sur la terre. Ma sœur, je vous accorde ce que vous me demandez. Je le fais pour vous, pour moi, aussi pour votre Sigismond, bien qu'il m'en coûte un peu. Je tiens que c'est là une folie insigne, mais comme chrétien, je suis encouragé à faire de temps en temps une folie insigne. Demain, on apportera à Sigismond, en bonne et due forme, ce congé qui vous est si cher. Vous n'en paraissez pas content. Saint-Père, comment pouvez-vous croire? Mais les mots, je ne sais pas exprimer. Ce ne sont pas les mots qui vous manquent, c'est le sentiment. Mon Dieu, comme les relations avec les êtres sont difficiles. Toute notre vie se passe à ne pas satisfaire les gens. Est-ce que vous le verrez avant qu'il parte? Non. Pourquoi? Parce que si vous aviez dû le voir, je vous aurais dit, il ne faut pas qu'il sache que vous faites cela par pitié. Je ne le verrai pas. Nous avions davantage à nous dire quand vous attendiez quelque chose de moi que je ne voulais pas vous donner. Maintenant que vous avez obtenu, redevenons des étrangers. Je vous demande seulement de ne pas retourner contre moi ce que j'ai fait pour vous. J'ai eu, par votre moyen, un petit instant de lumière. Ne me le faites pas regretter. Vous ferez donner au Seigneur Malatesta un congé de 3 mois avec solde entière. Il ira passer à Rimini. À Rimini? Oui. Puis-je faire signer à votre sainteté quelques pièces? Plus tard. C'est qu'il y en a d'urgente. Sans cela. Je ne me sens pas à mon aise dans ce moment. Votre sainteté est souffrante? Oui, je souffre quelque chose. Il y a comme une vague qui vient de déferler sur moi et qui me plonge dans un fond. Dans un fond. Une extraordinaire tristesse qui qui soudain m'enfonce et me noie. Votre sainteté, mais je n'aurai pas l'audace de lui demander. Mosconi. Je viens de faire une bonne action. Elle croira toujours que j'ai agi par calcul, que c'était un piège. Ma main était levée, je ne l'ai pas abattue. Où cela me sera-t-il compté? Il devrait pourtant y avoir une récompense quand on fait quelque chose de bien. Sinon une récompense des autres, du moins une récompense de soi. Mais rien, mon Dieu. Non, rien, mon Dieu. Non, rien, mon Dieu, pour l'honnêteté. Ou plutôt, si, une punition. Faites faire à Malatesta un congé de 2 mois et demi et non 3. Et faites noter qu'il devra laisser en gage tout ce qui lui appartient, tout ce qu'il a apporté à Rome, tout ce qu'il y a acheté, objets, manuscrits, armes, etc. Peut-il conserver son armure comme c'est l'usage pour les prisonniers de guerre? Non. Il faudra que Madame Isota laisse aussi en gage ses bijoux. Je vois qu'il n'est pas question de l'académie là-dedans. Mosconi, vous donnerez ordre au gouverneur de Rome de faire arrêter immédiatement Platina. Je veux qu'il soit au cachot de Saint-Ange demain matin. Dans la chambre de Malatesta, à Rimini, Sigismond est allongé sur le lit, serrant dans ses bras une toute jeune fille. Cette fille chérie. Il y en a qui diraient il y a 51 ans, c'est trop tard. Trop tard. Est-il si tôt trop tard? Non, ce n'est pas trop tard. J'ai oublié tout ce qui a été dit. J'ai oublié tout ce qui a été écrit. Je recommence. Ta jeunesse que j'étreins m'a redonné la jeunesse aux belles ailes. Quelle ivresse qu'une vie où toi et moi nous allons continuer d'exister. À présent, pars vite, j'attends l'envoyé du pape. Demain, Ambrosio viendra te chercher vers la même heure. Et sois très prudente avec ta mère. N'ayez aucune crainte. Oh, entre tous tes visages, y compris même celui de la volupté, il n'en est aucun que j'adore comme le visage de ton mensonge à tes parents. Béni soit la providence qui a permis ce péché. Ah, ah, bonheur, crier dans sa chevelure. Je crois que le bonheur est en train de me rendre fou. Désormais, je le jure, par tout ce qu'il y a de sève dans mes reins et dans mes cuisses, désormais, s'ouvre une vie si triomphale qu'elle en fera peur à la mort même. Que je tienne seulement dans ma main le bas de sa robe, et la mort s'arrêtera devant nous, et nous entrerons dans l'éternelle impunité. Vous avez bien compris, monseigneur, pourquoi je n'ai pas parlé de votre armure ce matin quand vous m'avez reçu avec un peu d'apparat comme envoyé du pape. Peut-être vos familiers ignorent-ils que sa sainteté vous avait prié de lui laisser en gage votre armure. Si oui, ils avaient à ignorer aussi que sa sainteté vous la retournait par moi. Ce bon geste ne regarde que nous. Et à plus forte raison ne regarde-t-il que nous que sa sainteté vous renvoie les bijoux laissés en gage par Madame Isotta. N'aurais-je pas l'honneur d'être reçu par elle quelques instants pour lui rendre en privé ce dépôt ? Volontiers, si vous le souhaitez, je vais convenir du moment avec elle. Merci. Ma mission ainsi terminée, je redeviens votre cher et ancien compère qui va vous dire naïvement un rêve qui lui est venu tandis qu'il chevauchait sur la route. Puis-je vous dire mon rêve ? Dites donc votre rêve, messieurs Scarampa. Oui, un rêve... Une idée qui m'est venue tenait tout juste comme nous passions au-dessus de la Marecchia. Je connais l'air du Vatican, vous pouvez m'en croire. Eh bien, je me disais que si vous retourniez à Rome avant la fin de votre congé, le pape en serait content et vous le ferez voir. Voilà déjà plus d'un mois que vous êtes à Rimini. J'ai des hôtes de marque à recevoir à Rimini. Ah. Des hôtes princiers. Des hôtes de marque. Et j'ai commencé de nouvelles fortifications, dont je veux surveiller moi-même les travaux. Ah, encore des fortifications. Mais je reviendrai peut-être plus tôt que je ne l'ai promis. Ce sera selon ma disposition. Non, je crois que... Ah, c'est vous. Oui, monseigneur, vous nous avez convoqués. Moi et Basigno pour la 19e heure. La ponctualité est chez vous une manie infernale. Une manie d'ordinaire appréciée chez les subalternes, monseigneur. Mais vous n'êtes pas un subalterne, Porcellio. Voici Basigno. Ponctuel lui aussi. Décidément, quel goujat nous sommes, nous autres littérateurs. Je voulais vous entretenir de la venue de Porge et combiner avec vous deux la façon dont nous lui rendrions honneur, mais il m'annonce qu'il retarde sa visite. Il désirait m'offrir un exemplaire de son dernier ouvrage sur le malheur de la condition humaine. De infelicitate umane conditionis. Je ne sais pourquoi, vous autres littérateurs, vous affectez toujours de trouver que la vie est mauvaise. Moi, si j'avais à vivre 1000 ans, quelle vie demanderais-je à vivre ? Je demanderais à vivre encore 20 fois la même vie que j'ai vécue. J'ai aimé les épées, les manuscrits et les femmes. Ce monde de fer et de sang que j'aime chaque jour davantage. Comme on aime un petit enfant malade. Mais, messieurs Scarampa, je vous prie de m'excuser, j'ai à voir d'urgence quelque chose à une de mes bombardes, avec Basigno qui est très fort sur les machines. Venez, Basigno, je serai de retour dans un instant. Les jardins et la mer. Quelle différence entre Rimini et Rome ? Je comprends que la tentation soit forte pour Sigismond de s'attarder à Rimini. Et de s'y attarder peut-être un peu plus qu'il ne l'a promis. Oui, c'est une crainte qui effleure sa sainteté quelquefois. Cependant, sa sainteté renvoie son armure à monseigneur, n'est-ce pas grande marque de confiance ? J'ai entendu un jour votre seigneur dire qu'un homme avisé se méfie même quand il dort. Cependant, il faut bien qu'on agisse, on agit donc, mais sans avoir confiance. Quelquefois, la confiance vous démange comme un prurite. Il y a un vice de la confiance. Et si votre seigneur s'avisait de retarder son retour à Rome, cela créerait une situation très tendue entre sa sainteté et lui. Vous êtes bien en cours auprès de Madame Isotta, mon cher Porcellio. Madame Isotta aura sans doute à cœur de veiller à ce que Sigismond revienne à Rome dans le délai prévu, et d'autant plus que c'est elle qui s'y est engagée pour lui. Cela rendrait ainsi le ciel tout à fait clair du côté de Naples. Madame Isotta n'est pas seule. Malheureusement... Comme toute chose serait facile si elle était seule à gouverner à Rimini. Votre sagesse est grande, mon cher Porcellio. Il est rare qu'un érudit soit en même temps une bonne tête politique. Vous en êtes une, et le pape le sait. Comme il le sait de Madame Isotta. Ah, si tous étaient comme vous. Mais voyez... Platina et la sanction pénible, tirée de sa prison pour être mis au garrot, et pire, tous ses biens confisqués ou pillés, tous ses papiers détruits. Le pape est dur pour ceux qui ne l'aident pas, implacable pour ceux qui le traversent. Mais il récompense le moindre service qu'on lui rend. Et surtout s'il ne l'a pas demandé. J'ai eu à me louer de cette petite nuance de son caractère. Regardez ce beau bleu de l'ombre sur la tourelle. De quoi tenter un peintre. Messieurs Scarampa, permettez-moi de vous accompagner jusqu'à vos appartements. Ah, Porcellio, je voudrais que vous écriviez au marquis d'Este. Dites-lui que j'ai appris qu'il avait fait cadeau à un de ses voisins d'un cheval barbe. Que je sais qu'il en possède un autre dans ses écuries et que... Je me permets de lui dire que s'il voulait me le donner, j'en aurais un plaisir extraordinaire. Bien. Demandez-lui aussi de m'envoyer quelques paniers d'anguilles. Je crois qu'il m'oublie. Bien, monseigneur. Cher Porcellio, il faut que j'aie encore recours à votre obligeance. La haie des jardins de Madame Isotta est si ruineuse qu'elle s'en va toute par terre. Voudriez-vous dire à Rambutino de s'en occuper? Autre chose, la niche du nouveau chien est placé de telle sorte qu'il reçoit le soleil toute la journée, il tire la langue comme un diable, le pauvre. Il faudrait dire à Rambutino qu'il fasse changer la niche de place. Merci. Vous avez entendu? On m'humilie. Et on m'humilie devant un étranger. Enfin, que suis-je? Suis-je l'intendant? Suis-je le chef des jardiniers? Suis-je le préposé au schnil? De infelicitate conditionis literatorum. Lui, il juge que les mortels sont heureux et qu'on n'a pas le droit de se plaindre. À Rome, il faisait la longue figure, à ce qu'il paraît maintenant, depuis qu'il est revenu. Il a repris une idée extravagante de lui-même. Je retrouve ce salaire, ce sourire triomphant qui m'y a exaspéré tant de fois. L'insolence fume de lui comme la buée hors d'un cheval en sueur. Quelle folie que remettre en selle les gens de cette espèce. On croit les avoir abattus, on les retrouve, plus gaillards que jamais. Et clignant de l'œil avec l'air pour rien. Il n'y a qu'un état d'où ils ne puissent se relever, c'est l'état de mort. Mais cela, personne ne le comprend. Bref, Sigismond se regonfle, se remplit de projets, d'inventions, de rêveries, de menaces, avec une méchanceté, une impudence, d'autant plus vives qu'elles ont été freinées quelque temps. Sur chemin d'ailleurs vers l'état de mort. Il préfère périr à ne pas exciter l'envie, comme le moustique préfère la lumière qui le tuera. Et tous sont ainsi, ils périssent pour s'être trop gonflés, ils le savent et se gonflent de plus belle. Ils ont choisi. Il y en a sûrement qui sont un peu déçus. Qu'on ne les ait pas jugés assez importants pour les tuer. Dieu vous entende. Et lorsque je l'encourageais à aller à Rome pour y tuer le pape, je croyais bien que je l'envoyais à la mort. Il en est revenu. Il est de si bonne plaisanterie qu'il est sa femme. Je dis plaisanterie car Sigismond est aussi un personnage comique. Un attendrissement sur le chien qui tire la langue. Chez un scélérat couvert de sang comme lui, il y a de l'excellent ridicule. Non, il me fait rire, Sigismond, par moment. Moi, je vous le dis, il me fait rire. Sigismond voulait tuer le pape. Là-dessus, le pape non seulement le laisse en vie, mais l'emploie. Vous, Sigismond, vous sauve la vie, et vous n'avez pas de plus cher désir que de le voir perdre la sienne. Que ce jeu de la vie et de la mort est délicat à diriger. Dis que personne ne veut nous rendre service et accepter que ce soit sans retour. Dire que personne ne veut nous rendre service et oublier qu'il nous l'a rendu. Alors que cette façon-là de rendre service est la seule façon vraiment digne d'un ami. Non, parce qu'il m'a sauvé la vie une fois, dois-je user mon temps et ma peine à le ménager, à le caresser, être pour lui aux petits soins toute cette vie? Dois-je me gêner pour lui toute ma vie? Dois-je payer toute ma vie? Ah, à ce prix, il valait mieux qu'il ne me sauva pas, c'est payé trop cher, ça je vous le dis, c'est payé trop cher. Il vaut mieux ne pas vivre que vivre emprisonné et empoisonné par des devoirs de gratitude. À quoi bon recevoir s'il faut rendre? Tenez, la prochaine fois qu'on voudra me tuer, eh bien je me laisserai tuer, plutôt que d'entrer de nouveau dans l'enfer de la reconnaissance. Vous voyez mes tempes grises, c'est le résultat de 6 années de reconnaissance. Il y en a qui un jour expireront pour ces tempes grises-là. Et notez que ce n'est pas fini. Aujourd'hui encore, je lui demande des services, alors que ma langue saigne à force de répéter depuis 6 ans ce mot effroyable, merci. Mais n'êtes-vous pas, vous aussi, quelquefois en mesure de lui rendre des services, comment dirais-je, d'homme à homme, hein? Et en dehors de ceux qu'implique votre état, faites-le donc, diable, vous serez quitte avec lui. Je le fais bien à l'occasion, mais cela me coûte tellement, c'est tellement contraire à ma nature. Enfin, quand je me force à faire quelque chose en faveur d'autrui, cela me déchire. Hein, tenez, rien que cette petite coupe dont je lui ai fait cadeau il y a 5 ans. Hein, bien, chaque fois que je la revois, j'ai mal au cœur de la lui avoir donnée. Ah, donnée, quel calvaire. Je crois que je finirai par la casser en morceaux. Et si du moins il pouvait avoir un tort grave envers moi, qui d'un coup me libérerait. Mais je devrais oser le provoquer moi-même à faire ce tort grave. Hein, je n'ose pas provoquer cette panthère, merci. Mais il faut donc continuer. Il y a 6 ans que je vis dans son ombre. Ce pouvait être une ombre qui me serait douce. Mais c'est une ombre qui me fait un froid dont je meurs. Vous avez revu Messer Scarampa. Quel air avait-il? Aucun air. Le pape tourne au-dessus de nous comme un vautour. Puis il s'abat sous forme d'un envoyé paterne. Le pape ne vous veut nul mal, madame Isotta. Et... Pas de mauvaise nouvelle? Pas la moindre. Que nous veut Scarampa? Cette armure, ces bijoux, ça est bizarre. Allons, Isotta, ne faites pas l'enfant. Tout le temps que vous parliez avec Scarampa, j'ai été dans l'angoisse à votre sujet. L'avenir a posé sur ma main sa main froide et j'ai eu peine à retenir un cri. J'avais appris par ce messer Attilio qui accompagne Scarampa ce qui est arrivé à Platina. Je vous ai imaginé, vous aussi, mis à la torture. Malheureux Platina. Durant tout mon séjour à Rome, lui seul m'a témoigné une sympathie véritable. Et maintenant, je me souviens de sa folle confiance, il croyait qu'il ne serait pas arrêté. Le dicton est bien vrai que Jupiter aveugle ceux qu'il veut perdre. Oh, si l'on pouvait devenir une autre, devenir Françoise d'Este ou Béatrice Orsini, à qui rien n'arrive, qui passe à travers tout, qui prennent la vie si légèrement. Si l'on pouvait leur arracher leur âme et la mettre en soi à la place de la sienne. Qu'avez-vous, Isotta? Auriez-vous dormi cette nuit dans le clair de lune? Pourquoi est-on si sévère pour la peur? Ce que nous craignons finit toujours par arriver. Ici même, sur le mur de l'escalier qui monte à votre chambre, quelqu'un a tracé cette inscription. Maintenant, nous savons que le pire ennemi d'un homme, c'est son gouvernement. Votre gouvernement, c'est le pape. mais je suis le gouvernement pour pas mal d'autres. Cette inscription n'était pas là hier. Je me sens plus à mon aise lorsqu'on m'insulte que lorsqu'on me loue. À chaque extrémité de l'inscription, on a dessiné une feuille de lierre. Savez-vous ce que ça signifie? Je l'ignore. Il faut le demander à Porcellio qui sait tout. Faites-le rappeler, il ne doit pas être loin. Ce signe peut nous donner une indication précieuse. Je ne vais pas faire revenir Porcellio pour une bagatelle. Regardez ce beau crépuscule de plein été. En octobre. Et je me casserai la tête par ce temps-là. Laissez. Je vous promets que demain, si le ciel est couvert, je serai aussi tracassé que vous me demandez de l'être. Je vous remonterai par 20 tours à l'état de la trésorerie, vous verrez si vous avez de quoi rire. Ah, bon, la trésorerie, maintenant, vous ne voulez pas que j'ai la paix. Je ne puis supporter votre insouciance quand d'autres se rongent à cause de vous. Rappelez Porcellio, je vous en prie. Une feuille de lierre, c'est peut-être le signe d'une secte. Va chercher Messer Porcellio qui sort d'ici, qu'il revienne. Quelque chose me dit que votre vie est en péril. Mais ma vie est toujours en péril. Plus que d'ordinaire. Votre étoile tremble comme tremblent les étoiles à l'aube, à la mauvaise aube. Elle est fixe et immobile comme un clou planté dans le ciel. Sortir du coupe-gorge de Rome pour venir mourir à Rimini. Mourir, moi? Mourir? Et Urbain vivrait? Ah, je pourrais mourir si je savais qu'il meurt avec moi. Non, non, je l'ai tourmenté encore longtemps. Pendant des années et des années. Je me dévore à chercher quel piège le pape vous a tendu en vous laissant revenir ici. Voilà qui est fort, il vous a accordé ce que vous lui demandiez. Mais c'est cela précisément qui me fait peur. Et en nous envoyant cet homme. La peur est une maladie. Et les soucieux de votre espèce sont la plaie d'une société. Aussitôt de retour au Vatican. Vous ne retournerez pas au Vatican. Mon contrat. Oh, tenir sa parole, quelle habitude. Scarampa désire aussi vous entretenir dans le privé. Dieu, je ne le recevrai pas seul. Vous resterez auprès de moi. Il veut vous rendre vos bijoux dans le privé. Soit. Je le recevrai seul. Vous lui parlerez à merveille. Déjà, cette armure, quand je la regarde, elle me fait peur. Il me semble qu'elle recèle un maléfice. Le maléfice pontifical. Quand il y aura les bijoux, ce sera pire. Et il y a encore ce rêve que j'ai fait à votre sujet l'autre nuit. Toutes les femmes qui m'ont aimé ont rêvé à mon sujet des rêves sinistres. Rêver de ma mort est partie nécessaire de l'amour qu'on a pour moi. Cependant, me voici. Et puis moi, je ne rêve jamais. Mes actes sont dans ma vie, non dans mes rêves. Écoutez, Isotta, ne m'ennuyez pas avec votre angoisse. Je trouve très irritant que vous preniez à cœur mes affaires plus que je ne les prends à cœur moi-même. Mon seul rôle sur la terre est de veiller sur vous. Je n'étais pas angoissé à présent. Je vais le devenir, peut-être. Est-ce cela que vous vouliez ? Vous êtes mon anxiété, l'anxiété que moi je n'ai pas. Alors que par bonheur, ma nature ne me porte pas à l'angoisse, faut-il que je retrouve l'angoisse à travers vous? Est-ce la peine d'être indemne de certaines faiblesses pour qu'elles rentrent en moi, à la dérobée, apportée par vous? Pourquoi trembler sans cesse pour moi de la sorte? Quelle question, parce que je vous aime. Un être que l'on aime est toujours en danger. Ceux qui vous rassurent ne vous aiment pas. Et puis je vous avoue que mon anxiété m'est un peu chère. Car j'y mesure mieux comme je vous aime. Eh bien, ça est gai, dites que vous la souhaitez. Aimez-moi un peu moins, Isotta. Comme il faut une certaine puissance pour être heureux, mais non pas une énorme puissance. De même, il est bon de recevoir une certaine quantité d'amour, mais non pas trop. Votre amour me fait perdre d'une part ce qu'il me donne de l'autre. Votre tremblement altère ma stabilité. Votre admiration constante m'induit en une vue fausse des choses, m'apportant à croire que je surmonte de grands obstacles là où ces obstacles sont médiocres. Et votre fiévreuse tendresse m'a fatigué bien des fois. Alors si c'est de moi que vient tout le mal, laissez-moi sur votre poitrine me reposer d'être ce que je suis. Comme lorsque je mettais ma joue sur votre armure au retour de la bataille, et que je sentais votre cœur frapper contre l'armure de fer et d'or, à croire qu'elle était une armure de papier. Femme, mère prudente des humains, qui à mon âge me portez encore dans vos flancs. Depuis que j'existe, j'ai été entouré, préservé, soutenu, vivifié par les femmes. C'est en elles que je prends ma force et mon venin. Mais j'ai tant reçu de toi que tous les dévouements me paraissent tièdes. Quel tort tu leur as fait? Les pauvres petites choses où parfois je vous sers me sont une joie si ardente qu'à chaque fois je voudrais vous remercier de me la donner. Quels qu'aient été les autres, je n'ai jamais trouvé qu'en toi ce don qui ne demande rien en échange. Cette alliance qui n'exige pas d'otage, ce conseil où toujours tu t'oublies, ce couvert solide et sûr comme la mort, et ton égalité d'humeur et ton manque de susceptibilité. Quel trésor! Pour qui sait tout ce qu'ajoute de peine aux grandes peines de cette terre l'obligation épuisante de ménager les gens. Il y a une chose au monde que je ne peux pas supporter, ce sont les chevaux qui ont la bouche dure. Tu n'as jamais eu la bouche dure, c'est pourquoi je t'ai gardé. Un jour, vous m'avez dit « périsse l'Italie plutôt que notre ville ». Et moi, je vous dis que j'accepterai que notre ville périsse, qu'il ne resta pas une pierre, que l'Italie entière tomba au pouvoir des Français ou des Allemands, si à ce prix vous étiez sauvé. Je serai sauvé sans qu'il en coûte rien. Dans les périodes tragiques, qui meurt? Le courageux ou le lâche? Meurt celui qui croit qu'il mourra. Or, il y a des gens qui, au milieu des galeux, n'attrapent pas la gale, il y a des gens qui, au milieu des risques de mort, n'attrapent pas la mort. Moi, je n'attrape pas la mort. Vous souriez. À quoi souriez-vous? À mes souvenirs et à mes espoirs. Grande nuit étoilée de cygnes et de feu. Regarde les lumières de la ville. Ne dirait-on pas les âmes sévères des héros qui campent autour de moi pour me protéger? Et regarde les cygnes enflammés des cieux, ces étoiles insomnieuses comme moi. Quelle assemblée! Que d'âmes toutes vives de gloire! C'est l'heure où l'on entend chanter les constellations. Que disent-elles? Elles parlent de la folle aventure de durer! Et la mer, tu l'entends? Écoute, écoute, c'est la mer immortelle, dont le bruit ne change jamais. Les hommes se lassent d'entendre les mêmes mots, de redire les mêmes noms, mais la mer sur mes grèves répète éternellement Malatesta. Sur mes grèves pleines de douces mains de marbre et de divines galères enfouies, je l'ai dit au pape, il n'a pas souri, il comprenait. Quand on bouleverserait la forme de mon rivage, la mer, dans les siècles des siècles, y répéterait encore Malatesta. Écoute, écoute! C'est toujours votre cœur que j'entends. Va, Isotta, retourne chez toi, raffermi. Les vents qui courent sur le monde n'y laissent que des traces légères. Il faut que les soucis, comme eux, ne t'effleurent que d'un pas de gazelle et que tu offres à cette nuit si pure un visage lui aussi pacifié. Il est 9 h. C'est l'heure où les enfants bâillent et demandent à faire câlin. Quand Tessina est déjà endormie, elle repose entre ses petits draps comme une fleur entre les feuillets d'un livre. Isotta mia, ce soir je serai avec toi seul, et alors tu sauras tout à fait ce que c'est que la sécurité. Pancelio, c'est moi qui vous ai fait rappeler. Depuis qu'est arrivé cet envoyé du pape, je... Et puis voici sur un des murs de la roca une inscription injurieuse pour le seigneur Sigismond. À ses extrémités, on a tracé 2 feuilles de lierre. La feuille de lierre a-t-elle un sens symbolique? Dans l'Antiquité, elle signifie la préservation. Si elle se trouve à côté du nom de Monseigneur, elle signifie qu'il soit préservé. Qu'il soit préservé! Ou plutôt qu'on nous préserve de lui. Mes fidèles sujets ont bien raison. On les préserve de leur malatesta. Il y a des jours où je voudrais les avoir sous mes pieds pour les fouler comme on foule le raisin dans la cuve. Allons, voilà une feuille de lierre qui n'est pas bien redoutable. Cher Isotta, allez en paix. Paix et sécurité. Mon Dieu, donnez-moi l'insouciance. Les hommes sont comme les enfants, Porcellio. On les effraie et on les rassure à volonté. Ça est triste. Moi, je puis dire que j'ai vécu rassuré. Pendant mon temps de Rome, il n'était pas 1 h du jour ou de la nuit où je n'attendisse la prison, sinon la mort. Cela ne m'empêchait ni de bien manger, ni de bien forniquer, ni de bien lire, ni de bien dormir. Je n'ai jamais si bien dormi qu'en ce moment-là, quand j'avais l'impression que mes assassins dormaient dans mon antichambre. Je n'ai jamais levé autant de femmes qu'il y a 6 ans, quand je venais d'être déclaré passible du bûcher. Leur haine, je m'en nourrissais. Elle était pour moi ce qu'est la chaleur pour un corps qui a froid. Et si tu me demandais ce qu'on ressent à l'instant où l'on apprend qu'on est condamné à mort, je te répondrais, on ne ressent rien. Peut-être est-ce là un des symboles contenus dans l'éléphant de votre écusson. Il veut dire que les malatestes sont coriaces. Eh bien, il suffit qu'une femme vous parle de son angoisse à votre sujet, avec des yeux larges comme ça, de ses cauchemars, de ses pressentiments, que sais-je. Et malgré soi, elle vous met dans un malaise, comme on n'en aurait pas devant un danger réel. Madame Isotta est la seule personne au monde qui m'aime et m'ait jamais aimé, ce qui fait qu'elle a la rage de gâcher mes plaisirs et de compromettre mon équilibre. Madame Isotta a-t-elle quelques raisons sérieuses d'être inquiète? Mais pas la moindre. Platina a eu des ennuis, cette inscription. Elle a fait un mauvais rêve me concernant. Mais voilà, à force de jouer avec l'histoire ancienne, nous finissons par être pris à notre jeu. Et Madame Isotta me trouble un peu, quoi que j'en ai, parce qu'il y a eu les transes de Cassandre et le songe de Calpurnie. Tous croient à votre étoile, monseigneur. Si vous seul vous n'y croyez plus, ne pensez-vous pas que votre étoile va en être dépitée et qu'elle se vengera? Il n'est pas question que je ne croie plus à mon étoile. Seulement, quelquefois, je suis un peu fatigué de cet horrible corps à corps que depuis 40 ans, je mène avec le destin. Ce sont de simples passes de faiblesse, mais qui sont des passes très dangereuses. Sais-tu comment j'interprète le mythe de Psyché? L'amour s'envole, tout est détruit parce que Psyché a contemplé l'amour pendant qu'il dormait. Cela veut dire qu'il ne faut jamais toucher à une âme quand elle est découverte et sans défense. Comme on est vulnérable dans ces moments-là, c'est le moment où l'on s'enrhume. Ou un mets pas très frais vous empoisonnerait. Ou on bafouillerait si on était devant un tribunal. Où votre esprit s'embrumerait si on avait une décision à prendre. J'ai vu en Morée des hommes dans une arène lutter avec des fauves. Aussitôt qu'ils montraient leur peur, les fauves se jetaient sur eux. Bien sûr, monseigneur, vous avez conscience que vous êtes atteint et qu'il suffirait d'un rien présentement pour vous achever. Très curieux, très curieux. Dans des moments comme celui-ci, on sent le besoin de se rattacher à quelque chose qui demeure. Ce soir, puisque tu es là, nous allons parler un peu de ce livre que tu me consacres. Prends le manuscrit sur le cassone. Et demain matin, je te fournirai des matériaux pour que tu décrives mon triomphe à Rome il y a 4 ans. Je crois voir que ce projet ne t'agrée qu'à demi. Il m'agrée, monseigneur, il m'agrée. Dis toute ta pensée. Je t'ai engagé dans un travail personnel. Il est trop naturel que j'abandonne. La vita, elle aussi, est un travail personnel, il me semble. C'est pas parce que je te fournis quelques documents. Et cet ouvrage-là fera beaucoup plus pour ta gloire. Enfin, je veux dire qu'il aura forcément une diffusion plus grande que ces traités philosophiques où d'ailleurs tu es maître. Ne craignez-vous pas que la publication de la vita ne réveille maintes haines et n'augmente vos dangers? Tant pis, tant pis. Mais quel est donc ce travail personnel qui t'occupe si fort à cette heure? Très honoré que votre seigneurie, pour la première fois depuis un mois qu'elle est revenue, me pose une question sur mes travaux. J'écris un complément au De Beneficiis de Sénèque. Je reprends le titre de Sénèque et j'y ajoute un sous-titre, Les bienfaits ou la course à l'abîme. Que veux-tu dire? Que ces bienfaits conduisent inexorablement le bienfaiteur à l'abîme. Oui, je voudrais montrer l'enfer de la reconnaissance. Et comment, pour en sortir un jour, l'obliger prêt à tout. L'homme a-t-il autant de noirceur? Il a autant de noirceur quand il croit qu'il peut l'avoir sans risque. C'est vrai. Le seul contrepoids à la méchanceté de l'homme est sans doute sa lâcheté. Oui. Seulement, ne pousse pas à bout le lâche, tu le rendrais courageux. C'est tout juste l'épigraphe de mon traité. Tiré de qui? D'un auteur inconnu. Ah, Porcellio, tout cela n'est guère propre à chasser mes idées sombres. Je me convertis peu à peu à la pensée que vous avez exprimée il y a quelques mois à Sacramento. J'ai horreur des gens qui ont confiance. Bien plutôt que ton traité, je voudrais que tu me lises quelques beaux textes anciens qui me maintiennent la tête haute au-dessus de cette mauvaise vague. Tiens, prends mon Plutarque. Ouvre au hasard et lis. Ce qu'on fait avec l'Évangile. Je le fais avec Plutarque. Et quand j'y vois que Scipion conquiert l'Espagne à 24 ans, que Pompée défait Marius à 23 ans, je m'écris, et moi. Ah, ce Plutarque. Il me rappelle le jour où je voulais t'envoyer à Rome pour y faire prendre médecine au pape. Et où tu te dérobas si brillamment avec cette force de caractère que tout le monde te connaît. Que tu m'amusas. Je veux dire que tu me fis bouillir ce jour-là. Un meurtre, ce domaine, n'est pas celui de l'esprit. Si tu t'étais vu. Va maintenant, cher Porcellio. Et d'un livre qui renferme la mort, tire pour moi la résurrection. Il dit, je recommande mes fils au peuple, et je prie les dieux que l'injustice de ma mort ne retombe pas sur ma patrie. Zénias, lui ayant alors porté le premier coup, Septimius, prenant sa robe avec ses deux mains, s'en couvrit le visage, et reçut avec constance tous les coups dont on le frappa. Sans rien dire, ni rien faire, qui fût indigne du nom romain. Et toutefois, un beau texte, mais ne remonte pas si bien qu'un gobelet de vin. Et son pouvoir est en fin de compte moins mystérieux que ce pouvoir qu'ont sur l'âme et sur l'acte quelques gouttes du jus d'un fruit. C'est vrai. C'est un mystère des plus étranges. Seigneur, encore une libation aux mânes de Plutarque. Porcellio verse furtivement du poison dans le pichet de vin. Je bois au noble texte qui élève l'âme et lui font croire qu'elle sera devant la mort ce qu'elle a été devant la vie. On m'a dépouillé de tout. Une espèce de tribunal, un ramassis de néant. M'a extorqué mes villes, mes provinces, mes sujets. Mon or, si bel et si clair, vif comme une joue d'enfant, mais il y a ma part immortelle sur laquelle ils ne peuvent rien. Inaccessible et intangible, comme la plus haute des hautes montagnes que le pied de l'homme ne foula jamais. Celle-là, du moins, est à l'abri et je peux m'appuyer contre elle. Et quoi, tu trembles ? Si ta main tremble. Peut-être un peu de fraîcheur de la fenêtre ouverte. Puis votre Altesse est pleine de pensées tristes, comment n'en subirais-je pas le maléfice? Il n'y a plus de pensées tristes quand tu es là. Toi et la vie, t'as. Nos témoins à décharge meurent toujours avant d'avoir témoigné ou bien ils se dérobent. Mais toi, tu seras fidèle. Porcellio, mon ami, tu seras fidèle. À l'heure où le silence se fera sur les choses que j'ai faites, comme la nuit tombe sur les forêts endormies, il restera ce que tu as écrit sur moi de ta plume fidèle. N'est-ce pas? C'est de toi maintenant que je dépends. Car un livre dont on fera de nombreuses copies a plus de chances que quoi que ce soit de durer. Termine-le au plus vite. Je redoute toujours que cet exemplaire unique ne soit détruit par quelques sautes d'humeur de la fortune. Fais-moi vivre. Toi, sans qui je n'aurais pas vécu. Et cependant, je ne suis pas sûr. Pas tout à fait sûr de toi. Je te sens m'échapper. Comme par instant, il me semble que ma vie m'échappe. Toi qui es à présent ma véritable vie. Et voici qu'à mon tour, je ne me trouve pas très bien. J'ai froid. Je pense que réellement, il est entré un mauvais air par cette fenêtre. Non. C'est l'âme qui a donné son mal au corps. Ah, je souffre. Mes jambes ne me soutiennent plus. Viens, aide-moi à me soulever, je ne peux plus me lever seul. Bah, viens donc, attends-tu ? Vous ne pouvez plus vous lever ? Non, mes jambes sont mortes. Borsellino, viens. Qu'y a-t-il ? Pourquoi ne viens-tu pas ? Que se passe-t-il ? Vous ne pouvez plus vous lever ! Non, non, je ne peux plus ! Borsellino, que fais-tu ? Borsellino brûle le manuscrit à la flamme d'une bougie. La Vita ! Traître, serpent ! Ah, je comprends. Le vin, le poison, infâme ! Mon poignard, mon épée ! La douleur m'enlève la raison. J'ai de la sueur plein les mains. Ma bouche se dessèche. Allons, monseigneur, un peu de tenue. L'histoire a les yeux fixés sur vous. Isotta. Isotta mia. Je meurs. Et je ne faisais que commencer. J'en étais aux fondations. Isotta ! Isotta, mia ! Mais votre magnificence n'a-t-elle pas écrit jadis au Dux Force qu'une belle mort ennoblit une vie entière ? Du moins, j'ai lu cela dans la Vita. Tout ce que j'ai de mortel m'abandonne. Mon immortalité, au secours! M'âme des hommes illustres, mes modèles, mes idoles, donnez-moi un signe, faites-moi comprendre que vous m'acceptez parmi vous! Sauveur de Rome ! Oh, mon parent ! Dites-moi quelque chose ! Ouvrez-moi les bras ! Dites-moi que mon nom palpitera encore à côté des vôtres ! Dites-moi que je ne vais pas cesser d'exister ! Ce serait atroce ! Mais... rien. Pas un geste, pas un signe. Ah, il s'efface. Alors, que je m'efface, moi aussi.